Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! C'est à toi. Eh bien, vous voilà donc en possession de l'œil rouge. Cet énorme rubis que vous avez effectivement gagné grâce à votre vivacité et votre jeu de jambes face à Capitaine Vixen Fury. Vous avez donc regagné les locaux de donc, Tony Strong, la tête du R. Donc ces énormes entrepôts. Et ma foi, vous avez retrouvé ce fameux personnage avec son costume toujours aussi flambant et chatoyant, ainsi que son agréable épouse, Olympe. Et après vous avoir offert une liqueur de l'OCG importée depuis quelques Barents des confins, vous vous retrouvez dans une des salles ouvertes aux pacifiants afin de marchander, car c'est bien là le cœur de votre passage sur la station. Donc vous avez fait un inventaire rapide des marchandises, tout ça avait été avec les bons de douane fait en bonne et due forme. Je vous rappelle que vous avez un objectif ou minimum qui est de 82 500 crédits, en sachant que le prix fournisseur initial qui vous a été donné, c'était 75 000 crédits. Donc, il va être temps de commercer, et donc de commercer à la dure. Alors, comment se fait-ce? Eh bien, pour l'instant, Denis, lui, il vous rabat encore une fois que, bon, certes, vous avez fait ce qu'il convenait pour être conforme à une règle d'échange. Donc, ça veut dire qu'il vous a préparé des papiers, il a demandé à Bart de signer une signature, d'apposer une signature électronique, donc sur un pad. Et vous avez une carte temporaire de membre temporaire, donc de l'AMGIF 01, alors Association des Marchands Galactiques Indépendants Fiables d'EXA 01. Et donc, c'est une carte qui est valable pendant 3 mois. Galactique. Donc vous pourrez faire affaire avec n'importe quel membre de cette association sans avoir à payer de droits supplémentaires, et vous pourrez aussi, si vous tombez sur eux dans des barrens, dans des comptoirs, acheter à des prix préférentiels. Alors, la question étant, par rapport à ça, lui forcément il vous demande quel prix vous en voulez. Et donc qui va se coller au marchandage? Ça se fait en termes de règles avec la compétence commerce. Je crois que j'étais le plus désigné pour ça. Hein. Il me semble, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu dis pour essayer de vendre ton butin, découler ton butin, de marchander, on va dire, honorablement avec Denis Strong? On est 90 000 hein, déjà. Ah, 90 000 crédits. Bah ouais. Et qu'est-ce qui pourrait soutenir ce prix en sachant que vos produits, certes, proviennent de zones sûres, mais n'ont rien d'extraordinaire par rapport aux produits précédents? Ça reste de la très très bonne qualité. Voilà. Allez, si tu veux. En plus, voilà, accompagné avec un immense sourire. Ben écoute, je t'invite à tester ton commerce, donc ta compétence commerce, et je vais en faire de même. Donc c'est un test en opposition. Hop là. J'ai fait 4 succès Ok. Yes. Moi j'ai fait 2, j'ai un PMF mineur, donc ça fait que je peux en relancer 1. Donc ça fait toujours que 2 succès. Alors, Yes. comment ça se passe? Donc comme je vous l'avais peut-être brièvement expliqué, en termes de règles, c'est simple, pour chaque succès excédentaire obtenu, donc là tu as 2 succès excédentaires, ça te rapporte 5% de bonus. Donc c'est-à-dire que là, théoriquement, donc le prix initial, donc c'était la valeur marchande, c'était 75 000. Ouais. Donc hop, bouge pas, ça j'avais oublié de le faire, on va le faire rapidement. Donc hop, 75 000. On peut pas aller au-delà de 3 fois le prix, donc de 150%, c'est-à-dire que tu peux monter jusqu'à 225 000 crédits pour on va dire braquer complètement Ouais, ton adversaire. Voilà. vous pétez la bombe, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc tu peux monter au maximum jusqu'à 255, 250, 225 000, pardon. Donc ça c'est bon. Et toi aujourd'hui tu as préparé, donc tu as dit 90 000. Et donc sur ces 90 000, vu que tu as fait 2 succès excédentaires, et on va partir de ça, 90 000, donc ça te fait 10% de plus. Il s'ajoute pour l'instant à la négociation. Donc tu as rajouté 9 000 tranquillement, hein, 10%, c'est assez facile à calculer. Bah oui. Donc la question étant, pour l'instant, sur ce prix, donc 99 000 crédits, il est hésitant, mais il semble intéressé. Est-ce que tu souhaites aller plus loin? Pense qu'on fait déjà une... Parce que nous, c'est 82 500 que nous demande. Tout le reste, c'est pour nous, c'est ça? Non, c'est des Si pourcentages. je... À chaque fois, c'est une affaire de pourcentage. Mais globalement, de toute façon, plus tu prends, plus tu vas en avoir. Je Dis pense tout. que c'est... Voilà. J'ai Est-ce pas que tu vas forcément jouer? envie d'être trop gourmand. Je trouve que ça fait Alors, déjà tu vas une dire. belle petite culbute. Alors, tu n'as pas envie d'être trop gourmand. Ouais. Écoute, je vais te l'accorder. Je ne vais pas faire un petit retour de flamme pour t'obliger à m'en prendre un peu plus, je vais te l'accorder. Si tu veux t'arrêter là, le contrat est bouclé pour 99 000 crédits. Allez, eh ben écoute, Denis semble satisfait, vous serrez la main, s'ensuit effectivement plusieurs signatures de documents, et tu obtiens une lettre de change qui va te permettre de retirer cet argent ou de le déposer sur le compte d'une compagnie. Pour ce faire, il va falloir te rendre à un comptoir de la Bourse Galactique, tout simplement. C'est bien parce que tu devais y aller. Ben oui. Donc, 99 000 crédits, hop. Alors, une fois que le marché est signé, Denis te dit qu'il va s'occuper d'organiser la relève des marchandises, pardon, au niveau de votre entrepôt de stockage. Donc, vu qu'il y a les signatures, etc., lui s'occupe d'envoyer ses hommes pour récupérer les marchandises. Par rapport à la temporalité, ça risque de prendre au moins quelques bonnes heures. Il est préférable pour vous, si vous le souhaitez, de passer une nuit sur la station. Comme ça, vous pouvez vous reposer un petit peu et repartir le lendemain, ce sera fait dans la nuit. J'avoue, j'ai encore Et. quelques contusions, tu vois, j'ai encore un petit peu mal partout là du match de fastball, donc ouais, reposer un peu, moi ça me fera pas de mal, hein, parce que je me suis pris des coups, hein. Très bien. Eh ben, J'avais été un peu focus par notre équipe. Allez, capitaine, ça se mérite. Ben oui, mais bon, ça a permis à mon équipe de gagner, c'est ce qui compte. Très bien. Eh ben, donc, lui, il s'occupera de faire donc décharger ça tranquillement pendant la nuit. Et donc, il vous dit que vous pourrez repartir normalement à partir des premières lueurs de l'aube. De toute façon, demain matin, tout aura été à partir de 4 heures heure galactique, tout aura été récupéré. Oh, par contre, j'ai juste un truc, je me souviens plus. Et nos histoires de cristaux là qu'on avait, est-ce qu'on avait réussi à trouver un preneur pour ça? Alors, je sais pas chez lui, mais ailleurs. Je crois qu'on nous avait orienté ailleurs. Ouais, Ouais, c'était vous avez pas dit d'aller quelque part, mais je sais plus où. Ouais, c'était pas genre ça finissait en carburant ou je sais plus c'était quoi le truc, il fallait trouver quelqu'un pour les Pour le reconvertir ou raffiner. les raffiner, ouais, voilà. Non? De Il y a ça. souvenir, c'était quelque chose comme ça. Ouais, tout à fait. Il Ouais. Il nous avait envoyé vers je sais pas qui. Ah, des raffineurs, j'imagine. Le barman, je crois. C'était le barman qu'on avait rencontré. C'est ça, ouais. Un peu plus loin, parce que c'est pas trop dans le coin où on était, c'était un peu plus loin. Mais je sais. C'était un. Tenez-vous le barman. Le vendeur de snacking. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez fait vos plats exotiques. Qui vous avez envie de vous balader peut-être de l'autre côté au niveau des zones qui étaient plus des zones de chantier. En tout cas, il y avait plus de matériel de chantier, de préparation pour voilà, tout un tas d'assemblages, etc. Et d'aller plutôt chercher par là-bas pour vendre vos minerais. Bon, on va déjà aller au comptoir pour donner la lettre de change et puis tout déposer sur le compte. Moi, ça me va. Voilà. Hop. Le compte de la compagnie, le voyant vert, voilà. Il va. Donc on va faire ça déjà. On va aller au comptoir. T'es toujours aussi bon pour négocier, toi. Tu changes pas. Impressionnant. Hein. Bah écoute, hein. Faut ce qu'il faut. Ah bah ouais. Mon sourire ravageur marche à tous les coups. C'est pas moi qui ferais ça. Mais c'est pour ça que c'est moi qui le fais. Voilà. Enfin. Même avec des champignons, tu vois, ça marche. Moi, je dirais que une fois qu'on a fini ça, on pourra aller fêter ça en allant boire un petit coup, non ? Ça vaut bien un petit verre de rhum. Faut qu'on voit pour bouteille. Se débarrasser de ces cristaux, là. Ah, ouais. Enfin, juste après, quoi. Après, on se boit une petite bouteille. Hein bah, on va voir combien on peut récupérer au niveau des cristaux. Je pourrais essayer de voir si je trouve pas un contact dans un bar pour à qui les refourguer, par exemple. On n'a pas envie qu'ils soient trop regardants sur la provenance des cristaux. Mais c'est ça, parce qu'on a, on a aucun papier. Hein, Oui, bah. Vu qu'ils étaient accrochés au vaisseau auquel on est parti. Si Cassard, tu avais fait des. Harold, tu avais fait des faux, non, de mémoire pour les cristaux, non? Tu n'avais pas commencé à travailler là-dessus? Si, j'avais fait quelques faux, mais j'ai toujours peur que ça ne fonctionne pas forcément, donc je préférais qu'on les revende peut-être à moindre tout prix. Tout le manteau. À des gens qui ne pourraient pas revenir nous voir parce qu'on leur a vendu quelque chose de volé. Ouais. Après, je sais pas si c'est le meilleur endroit pour vendre sous le manteau ici, sur Exalia. Je pense qu'on peut trouver du monde. Hein. Si il y a un grand Gus comme lui qui vend des trucs, je pense qu'il doit avoir un marché noir assez important quand même. Bah écoute, allons au comptoir. Libérons-nous de. Je suis pas serein de me balader quand même avec une lettre de change de 99 000. C'est pas on faux. On ne veut pas en parler dans la rue. Non plus, on pourrait Captain, tomber sur des pirates. Ouais, non, mais bon. Donc allons faire ça et puis après, on va essayer de se renseigner là-dessus. Ok. Allez. Eh bien, écoutez, vous ne mettez pas trop de temps en déambulant, en demandant votre chemin, à vous faire orienter en direction du comptoir. Et une fois sur place, donc vous avez un bâtiment vraiment très très propre, très très lisse, avec à l'intérieur du mobilier, avec des matériaux assez luxueux. Vous voyez des bois de couleurs exotiques, des pierres, des espèces de marbrerie et tout sur les murs. Enfin, c'est très très luxe. Et vous êtes reçu derrière un guichet. Par un corporatiste avec bien évidemment les costumes dernier cri de l'OCG. Il est à aucun moment on peut l'identifier à lui une quelconque compagnie ou quoi. Il est vraiment juste quelqu'un en costume très très très très chic, très très classe. La seule chose qui vous indique qu'il travaille pour le comptoir de la bourse, c'est qu'au niveau de ses boutons de manchette, on y retrouve le logo. Et il y a effectivement sur la barrette sa cravate aussi les insignes et l'acronyme donc de la Bourse de Comport Galactique. Bonjour, messieurs. Que puis-je faire pour vous ? Je vous regarde avec un sourire de requin. Bah, je vais sortir la lettre de change. Je fais, bah voilà, je voudrais déposer tout ceci sur le compte de la compagnie du Voyant Vert. Le Voyant Vert, laissez-moi voir ça. Alors, il rentre quelques informations par rapport effectivement à ton document. Hop, pour vérifier ce que tu es en train de lui dire. Et il a l'air assez... Il hausse légèrement un sourcil. Mais sans plus. On va dire que ça n'a pas l'air de le surprendre de voir quatre zozos accoutrés de manière un petit peu étrange débarquer avec une lettre de crédit à quasiment 100 000 crédits. Bon. Si c'était la première fois pour lui, hein. Dois-je déposer la totalité ? Il me semble que le deal c'était ça, hein, on déposait la totalité et puis après. Non, 75%. On devait déposer au moins 75 000. Ouais, 75%, je crois. Non, mais le reste, on en fait. Je sais plus. Bah, après tout. Le reste, j'imagine que c'est pour nous. Alors, vendre au moins à 82 500. Non, non. Mettre 80% sur le compte de la compagnie. 80%. Okay. Voilà, 80%. Donc 80% de 82 500. Ah oui. Donc ça fait 82 500. On voilà. Fait des maths, mais on sait pas faire des maths, nous. C'est quoi les maths? 80%, ça fait 66 000. Ça dépend, si t'as une calculatrice, tu peux avoir un dead bonus aussi, hein, attention. Bah, ça fait 66 000. 80% ouais, de. Comme il a dit. La lettre de change, elle est à 99 000 crédits, je te le rappelle. Elle est pas à 85 000, elle est à ce qu'il t'a payé, combien il l'a acheté. Oui, mais alors, est-ce que c'était 80. Est-ce qu'il fallait donner 80% des 82 000 qui nous en demandaient et le reste était pour nous? Ou c'est 80% de la lettre de change? Qui veut le patron de chez nous. Hein? Oui, ouais, 80% de la vente. Ça fait 79 200, hein, si on fait 80% des 99 000. Ce qui nous fait finalement un petit peu moins de 20 000 dans notre poche. C'est déjà bien. Eh ben, on va mettre 79 200. Surtout que si on a mis un peu trop, voilà. C'est pas forcément plus mal. Bah, surtout qu'il s'occupe, bah, il s'occupe quand même de notre vaisseau. Je veux dire, voilà, c'est, ouais. On a quand même un bon deal ouais, dans l'absolu. Vrai. C'est vrai, t'as raison. Donc voilà, je pense qu'on se fait pas arnaquer dans l'histoire. On va déposer 79 200 sur le compte de la compagnie du Voyant Vert. Mm-hmm. Très bien. Je fais ça et eh bien, je vais vous demander de bien vouloir patienter pour la suite. Tenez, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien apposer une signature ici? Je te demande de venir avec le papier. Hop. Je vais vous demander de vouloir patienter, s'il vous plaît, au niveau d'une des loges qui sont sur votre gauche. Donc, il vous tend le bras, il vous indique, par exemple, vous avez des tables hautes avec des manches debout et vous avez de jolies carafes en cristal. Transparente avec à l'intérieur de l'eau. Il y en a certaines avec des jus de fruits très désaltérants, avec quelques verres. Vous avez aussi, sinon, des cafés, tout un tas de choses en fait, qui sont à disposition. Il y a quelques personnes qui attendent. Et alors que vous y rendez, bah, vous voyez un autre corporatiste hein, avec un joli costume. Et cette fois, lui, ça a l'air d'être moins onéreux, puisque vous voyez qu'il a un gros logo, effectivement, une grosse marque. Corporate, un gros emblème qui a été cousu, qui a été mis sur sa poitrine, et il vient apporter une valise, une grande valise, une grande mallette à un groupe de personnes, voilà, des gens qui sont visiblement d'honnêtes marchands, tout comme vous. Voilà. Et une fois qu'il leur a donné la valise, c'est bah, il la pose carrément sur la tablette, il l'ouvre, elle est remplie de lingots. Et il semble assez content. Hop, à côté de ça, ils ont un autre petit sac avec des crédits. Ils en sortent quelques-uns, donc quelques pièces hein, de différentes tailles. C'est que les crédits, donc il y a différents types de valeurs, mais c'est plutôt des petites monnaies, jusqu'à 500 crédits, je crois, en termes de pièces. Et après, 500 000, il faut passer durant sous des lingots. Donc, comme on a que ça pour les transporter, c'est pas évident. Voilà, donc ils sont assez satisfaits dans leur grosse mallette, une bourse bien, bien pleine. Et ce groupe-là repart en tintant à chacun de ses pas. Et très certainement, tu vas vous arriver à la même chose. Nous, On doit récupérer 19 800 crédits. ouais, donc il va nous Donc, je sais l'amener pas si en c'est. petit lingot et en piécette, quoi. J'imagine. Bon, on doit savoir hein, ça, en tout cas. Ouais. Enfin, on a peut-être jamais eu autant d'argent. En même temps. Va falloir les planquer, hein, parce que là, on va se balader dans la rue avec tout ça. Bah, on va mettre une. Bah, on va garder un petit peu et puis. De quoi se faire une bonne soirée et puis on mettra le reste dans le vaisseau, hein. Ouais. Ah bah, Bon, à la limite, ce serait évidemment, pas se mieux de balader avec ça. le laisser déjà dans le vaisseau avant de se faire une soirée. Parce que si on finit tous explosés et qu'on nous Oui, mais vole la bien sûr. mallette. Non, mais c'est une évidence, hein. Ah mais tu sais, moi chef, c'est pas moi qui réfléchis, mais quand même des fois, j'essayais un peu de C'est pour réfléchir. ça. C'est pour ça. Laisse-moi faire le côté réflexion. Ok, oh là là. Nev, si tu le souhaites, tu peux observer un petit peu autour de toi et tu peux, avec ton regard, on va dire, acerbe de la technologie qui transparaît, si tu souhaites faire un test de vigilance, tu peux le faire pour observer des détails supplémentaires. Oui, tout à fait. Vigilance. Sachant que c'est TF pour toi, donc ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de 2, ça compte pour un succès. Donc faut juste penser que tu coches trop facile avant de jeter tes dés. Ah ouais. Vigilance, c'est Trop ça, dans facile. perception. Tout à fait. Voilà. Après, tu penseras à Ah décocher bah. après pour les prochains jets. 5 succès. Cinq succès. Bien, écoute. Quand vous êtes en train d'attendre par rapport aux systèmes qui ont été utilisés électroniques et numériques, tu n'as pas arrêté de te dire si tu étais lâché là pendant entre 3 et 5 heures, tu pourrais très certainement dévier quelques flux d'informations et peut-être créer le compte d'une fausse compagnie. Tu t'es arrêté. T'es mis à fantasmer sur commencer à extraire, à pomper comme ça, à détourner des petites sommes de crédit de plein de comptes pour te créer un compte à quelques milliards de crédits. Donc t'es parti dans un espèce de Ah délire. ouais. C'est parce que technologiquement, par rapport à tes connaissances, c'est sûr que si tu te retrouves dans une salle des serveurs toute seule, ça pourrait faire mal. Eh bien, j'en fais part à mon capitaine. Maintenant? Bah, discrètement. À la rigueur, Ouais, enfin. je peux lui écrire sur. Il y a bien des... J'ai un pad, quoi. Donc je l'écris sur le pad. Bon, voilà, capitaine, j'ai fait quelques tests et tout. Il y aurait peut-être moyen d'arriver à pirater le système et à récupérer des crédits. J'écris ça sur le pad, je lui passe le pad et je lui montre. Ok, t'aurais besoin de quoi pour faire ça? Alors je reprends le pad, je réécris, j'ai besoin d'accéder donc à la salle serveur, essayer de retrouver, avoir des accès. Que bon, il y a quand même des sécurités, donc j'ai besoin d'un accès direct à la salle serveur, parce que par ici, il y a trop de pare-feu et autres, je ne pourrais pas passer. Donc il faudrait récupérer les plans, arriver à la salle serveur, et après, il y a moyen de se créer des comptes fictifs et de récupérer une partie de l'argent. Et je repasse la tablette. Ouais, c'est quand même pas si simple que ça. Ça me paraît pas. Ouais, on n'est pas vraiment là pour ça non plus. Surtout que là, on n'est pas avec notre vaisseau, machin truc et tout ça. Peut-être qu'à une autre visite, mieux préparée, pourquoi pas. Oh, ils ont Mais rien à là. boire ici, là. Moi, j'ai Mais soif. si, il y a des trucs à boire dans la salle. Ouais, Belette. mais du jus, ça va, quoi. Tu commences Moi, je à. me T'as un régale, problème hein, avec l'alcool, personnellement. Belette, hein Mais non, Ouais, mais attends, consulter, ça je fait pense. combien de temps qu'on n'a pas bu du bon rhum? Hein? Je le dis bah, un peu, ça fait un environ peu fort, mais... quelques heures, quoi. Je dirais à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais avant ça, je parle. J'ai du temps à rattraper, moi. Oui, mais bon, tu sais qu'on a besoin quand même de tes réflexes et de tes capacités de tireur. Ouais, tu vois, je m'assois dans le siège en mode un peu, tu sais, ronchon. Et voilà, il boude maintenant. Quand il a pas son biberon, hein, celui-là. Vous entendez un sas, le sas qui mène apparemment à l'intérieur du bâtiment, donc aux pièces intérieures qui s'ouvrent, et vous voyez venir effectivement s'extraire de ce sas, encore une fois, la jeune personne en costume qui tient cette fois une mallette et qui porte une grosse sacoche, un bandoulière. Et alors que le sas se referme derrière elle, vous pouvez voir que dans l'espace dans lequel cette personne se trouvait, vous voyez notamment d'un seul coup en train de déambuler, très certainement de tourner, deux mercenaires avec l'insigne du groupe Security. Voilà, avant que ça se referme, donc combinaison high-tech et arme de mort dernier cri. Ouais. Ok. Ça, tu vois, c'est pas si simple hein, d'accéder au ça donne moins envie, là. Je regarde les armes qu'ils ont, juste par... Ouais. Par souci par curiosité, en fait. Est-ce que je connais le modèle? Est-ce que je l'ai déjà utilisé? Alors, t'as quelque chose qui ressemble... Il y en a un qui a quelque chose qui ressemble à un fusil plasma. Cependant, le modèle... Tu ne le connais pas. Ouais. Mais ça doit être un fusil plasma qui est custom ou qui est adapté pour eux, leur service. Hein, parce que pareil, dans l'Empire, vous avez certaines armes qui sont spécifiques. Et l'autre, il avait quelque chose qui, pareil, doit ressembler à une version améliorée d'un hyper blaster. Ouais, c'est du beau matos. Quoi. C'est... Ouais, quand t'en prends, quand t'en prends une, t'en prends qu'une. Ouais. Je dis discrètement, tout est relatif pour Bellet, mais dire pas blaguer avec celle-là. Quoi hein. Bah, t'as vu les armes qu'ils ont, les mecs? Tu t'en prends ah une bah, c'est en terminé. Même temps, bah, ouais, mais bon, je veux dire, on est c'est normal que ce soit sécurisé. Je veux dire, si quasiment tout le pognon. De l'OCG passe par là. Non, mais. M'étonne. Faudrait pas qu'il y ait des gens qui aient l'intention, par exemple, de pirater et. Bon, je sais pas qui serait assez con pour le faire ici, franchement. Alors moi, je m'enfonce dans mon fauteuil, en fin de compte, je fais. Sûrement pas nous. Oh, bah non. D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait. Il y a moyen d'accéder. Au réseau pour accès aux communications internes ou alors au plan du bâtiment. Il y a des prises, il y a quelque chose pour pouvoir y avoir accès. Tu as effectivement des caches, tu as des petits caches avec très certainement derrière tout ce qui va être des fonctions secondaires. Donc ça veut dire. Le système de climatisation, notamment de l'espace où vous vous trouvez, les lumières, peut-être s'il y a, ce qui n'est pas sûr, hein, mais s'il y a effectivement des haut-parleurs, des choses comme ça, très certainement accès à ça. Après, en ce qui concerne les portes, vu que c'est des zones de haute sécurité, parce que c'est des zones quand même ultra stratégiques, t'as pas des comptoirs de la Bourse Galactique partout, t'en as qu'à certains endroits. Ouvrir les sas, il faut aller directement au niveau des boîtiers qui sont proches des portes pour eux effectivement les faire sauter. Et après, en effet, pour tout ce qui est système plus spécifique, et même si tout est relié d'une certaine manière, il faut bien penser que c'est plus complexe. Il n'y a toujours pas de communication entre les planètes. Hein. Donc, de toute façon, ce qui est déjà exceptionnel. Hein. Si vous arriviez, on va dire, à faire un coup pour essayer de détourner de la donnée, pour faire croire que vous avez plein de trucs, etc., vous ne pourriez récupérer, voler en fait, retirer en monnaie que ce que ce comptoir-là contient. Oui. Parce que les flux de données, après, pour les remettre à jour, il faudrait faire croire à plusieurs planètes que, effectivement, vous avez un faux truc. En fait, il faudrait réitérer l'opération là où ce serait possible de le faire. Ou alors, ouais. aller au siège, carrément, au niveau du siège de la bourse galactique. Et là, c'est un autre délire. Oui. et donc, du coup, via la climatisation et tout, il y aurait moyen d'avoir là, au moins le plan des lieux, savoir comment c'est fait ou pas du tout? Non, il y a pas, t'auras pas le plan. Non. Tu sauras juste combien il y a de clim à combien d'étages. D'accord. Pour monter le chauffage. Une salle serveur, c'est assez spécifique. Hein. La climatisation, normalement, c'est climatisé. C'est la climatisation la plus importante. Ça pourra peut-être donner une idée, mais pas plus. Voilà. Ok. À voir. Voilà, eh bien, écoutez, on vous remet une mallette qui compte donc une grosse mallette métallique bien lourde qui contient l'équivalent donc de 15 000 crédits en lingots. Ouais. Et à côté de ça, vous avez donc une grande sacoche, une espèce de grande gypsière, une grande sacoche en bandoulière qui, elle, parce que ils ont l'habitude, on va dire, vous doutez qu'ils doivent avoir l'habitude, ils vous ont mis l'équivalent donc des 4 800 crédits qui restaient en pièces. Donc vous avez plein de pièces. Mallette. 55, 1, 2, 10, 20, 100, oui, 200, une multitude de pièces, quoi. Donc c'est vraiment, il y a un tas de pièces, quoi. Ah, oh, super, les pièces chaudes, merci. En lingots. Et tu m'as dit 480, du coup, en 4800. En monnaie. 4800. Ouais. On se serait fait enfler si hop, je le note, hein, voilà. Ouais. Ok. Ben, toujours plaisir, hein. Je lui tends la main. Ça fait toujours plaisir de faire affaire avec vous. Bah écoute, pareil, hein. La personne, elle vous salue. Elle n'a pas l'habitude qu'on la remercie, donc elle vous sourit avec un sourire Colgate figé, comme s'il avait l'habitude de faire toujours le même sourire. Que je lui serre la main, mais genre il s'en souviendra longtemps. Merci. Allez. Ça met en partant. Madame, messieurs, merci. Vous avez la soirée pour vous. Bon bah, on va déposer tout ça, chef. C'est Belette qui prend la mallette. Ah ouais, je prends les lingots, moi. Personne touche à ça, sinon danger de mort. Bon chef, alors, on y va, chef. Il s'est fait kidnapper. Le chef s'est fait kidnapper. Le capitaine s'est fait kidnapper. Vite. Bah, on peut au moins retourner au vaisseau pour ranger tout ouais, ça. Le tank, ouais. Oui, oui, exact. Oui, mais, mais après, je pense que Olshad a disparu. Ouais, il a sauté de la troll. Donc vous tournez. Je pense que c'était prévu, hein, qu'on aille déposer tout ça au vaisseau. Exactly. Donc vous repartez en direction du Solaria 400. Ouais. Afin de déposer le trésor, enfin le petit trésor. Donc vous remettez la mallette à Gustav. Voilà, ainsi que les pièces, ainsi que la sacoche. Mmh. Et ensuite, bah, vous leur expliquez que vous ne repartirez que le lendemain matin. Donc ils vous demandent qu'est-ce qui se passe avec l'équipage pendant cette période, c'est-à-dire pendant la nuit. Bah, il me semble que le capitaine, il avait dit que c'était un petit peu quartier libre pour ceux qui était resté parce qu'on avait fait fait un truc un peu tournant de mémoire. Certains étaient restés pour veiller sur le vaisseau pendant que d'autres étaient en permission, donc peut-être que là on peut faire le que ça tourne, quoi, enfin, en sorte que ceux qui étaient restés puissent, voilà, ceux qui étaient restés puissent sortir un peu, bah, se détendre, quoi. Et voilà. Ok. Donc, il y avait après, je parle pour le capitaine, mais bon, c'est pas comme si le capitaine n'était pas rentré avec nous. Le capitaine est aux toilettes. Il y a une fille qui a souri dans la rue. Il a foncé aux toilettes, le capitaine. Ouais, il a pris les C'est les brochettes qui ont fini mal au bide. Ouais. Ça, ouais. On a marre. Bien sûr, sur vos conseils à tous trois, vu que le soir est arrivé et que vous restez une demi-journée de plus, mais pour la demi-journée, c'est-à-dire la soirée, ils inversent, effectivement, il y a une nouvelle carte avec une petite perme, et les autres vont commencer à préparer tranquillement le départ, vont se reposer pour la suite. Et qu'en est-il pour vous? Oh ben, je pense que c'est évident. Hein? Il n'y a pas besoin de l'expliquer, mes très chers amis, on va fêter ça, non? Et ouais, et pour les cristaux, on fait comment du coup? Ah oui, c'est vrai. Il y a les cristaux. Ah, quand est-ce qu'on va les picoler? Bah, et moi, ce que je peux faire, c'est que de toute manière, on va aller dans un bar. On peut essayer de choisir un boui-boui où je pourrais essayer de les revendre, les refourguer. Enfin, de les. En tout cas, de trouver quelqu'un qui les refourguer. Après, ça, je vous laisserai faire pour les revendre. Mais voilà. Ouais. Ouais, j'ai des connaissances sur le CG, mais je sais pas, peut-être pas en marché noir, quoi. C'est une connaissance générale. Est-ce que tu as des connaissances sur le marché noir? Hop, qu'est-ce que tu as? Tout ce qui est marché noir, etc., ça se fait avec la compétence illégalité qui se trouve en sang-froid. Ouais. J'ai des connaissances générales sur. Voilà, ou sauf si vous avez une qualité particulière en lien avec effectivement le milieu du crime. Bon, le capitaine, ça le suffit capitaine. D'aller draguer les minettes avant qu'on arrive. Non, mais j'ai de nouveau perdu ma connexion. C'est vrai ? Ravi. Ouais. Super. Oh, punaise. Merde. Je suis sur le téléphone, là. Oui, c'est ce que j'ai... Ouais. Mais attends, mais c'est fou. C'est que le dimanche que ça t'arrive, ces choses-là. Bah... Ah ouais, ça commence à saouler. Bon, j'ai réussi à me mettre en 4G, mais j'arrive pas à revenir sur Discord sur le PC. Ouais. Ça va le faire. Mais bon. Je vais essayer de remettre les trolls. Alors, en attendant le retour de Bart de Noir, le bouge, le. Alors, le bouge, c'est méchant de l'appeler comme ça. Le bar le plus intéressant que vous connaissez sur Exa 01, c'est bien évidemment le Triple Twister. Mais oui. Harold va pouvoir retrouver les stripteaseuses. Oh non. Et ouais, c'est Rom. Plus. Donc si vous voulez aller laisser Harold faire parler l'illégalité, c'est par là-bas qu'il faut aller. Bien, je pense que ça peut être intéressant, capitaine, puisque comme maintenant qu'on a déposé tout. Tout l'argent au vaisseau qu'on a demandé à l'équipage de tourner, puisque ceux qui sont restés toute la journée, maintenant ils ont le droit d'aller se faire plaisir un petit peu et inversement. Ah ouais. Bah du coup, on peut aller boire un verre et en même temps tu négocies toi la Harold, tu vas bien nous trouver quelqu'un pour qu'on vende. Cristaux là. C'était l'idée. Puis moi je veux boire. Parfait, donc ça. J'ai soif. Une question comme ça, on est d'accord qu'ils sont pas capables de partir sans nous, l'équipage, hein. Le vaisseau, il décolle pas sans Harold, sans le capitaine, sans rien quoi. Il y a des codes, c'est verrouillé quoi. Non, techniquement parlant, s'ils veulent partir sans vous, du moment qu'ils ont l'équipage et les personnes compétentes, ils partent sans vous. Ok. Il n'y a pas de verrouillage code et tout. Non, les vaisseaux, il n'y a pas. Enfin, pas à ta connaissance. Il n'y a pas ce genre de choses à ta connaissance. Hein. Il suffit d'y avoir accès et de savoir appuyer sur les bons boutons pour le faire démarrer. Bon, okay. Après, ils n'ont pas d'intérêt à nous laisser là, de toute façon, en même temps. Oui. Ouais, non. Pourquoi ils feraient ça? Ça serait bien. Hein? Ça serait bien, oui. Bon, hein. Ils pourraient essayer de nous doubler, quoi. Voilà. Plus de deuxième vaisseau, plus de vaisseau principal. Il y a un code, non mais il y a un code chez les pirates. Hein. Ils encadraient le code en faisant ça. D'accord. Bon, ça va. Non mais oh. Bon, on va boire. Bah ouais. Allez. Triple Twister. Enfin, certains vont bosser quand même. Ouais, oui. Bah, ce sera pas moi. Faut que je reste moi aussi, sobre, hein. Si je vais rester. Bosser, hein. Bah pareil, je vais rester sobre aussi. S'il faut négocier, donc. Ah bah écoutez, hein, vous vous retrouvez. Exactement. Vous vous retrouvez une fois de plus au niveau, hop, de ce lieu emblématique de rencontre et de retrouvailles entre personnes bien affamées de la galaxie et aux alentours d'Exalia. Donc bah, comme d'habitude, hein, vous avez les videurs mutants à quatre bras qui vous ont laissé rentrer puisque vous ne faisiez pas de vagues. À l'intérieur, tout le monde porte une arme, bien évidemment. Vous retrouvez peut-être quelques visages que vous avez déjà vus, il y en a des nouveaux. Comme à chaque fois, c'est bondé, c'est très vivant. Dans un coin, peu importe, il y a toujours une ou deux personnes qui sont en train de se taper sur le nez. En termes ou de négociations musclées, ou tout simplement de bonnes bastonnades à l'ancienne pour régler un différend. Et vous avez l'espace principal qui est habité par des danseuses et des danseurs exotiques aux formes charmantes et aux morphologies aliens ou mutantes. Voilà, vous voyez notamment un mutant humanoïde à la plume violette disposant d'une troisième jambe avec laquelle il s'amuse à faire des pirouettes. Bien évidemment, je ne parle pas de sa jambe, mais de son pénis gigantesque et musclé. Ok. Voilà. Et il y a tout un tas de personnes autour qui lui jettent des crédits. Voilà, Harold, quand tu es rentré, il y a notamment des serveuses qui sont venues vers toi te reconnaissant. Ah, et te demandant si tu souhaitais revoir un moment privilégié, un moment VIP. Plus tard, les filles. Il a du boulot. J'ai quelque chose à faire avant. Mais tout à l'heure, il arrive. Alors, dites-moi tout. Ah, moi, alors, tout d'abord, moi, je me pose au niveau du bar. Commandant un cocktail sans alcool. Oui, t'en as pour quelques crédits, hein, t'en as pour 3 crédits, peut-être 5 crédits. Je me mets derrière lui, il voit pas que je suis derrière lui, tu vois. Et quand il dit cocktail sans alcool, à la serveuse ou au serveur, je sais pas si. Voilà, je fais genre un signe évocateur qui veut dire chargez-lui la tronche, quoi. Avec okay. Un grand sourire, évidemment. Mais genre, je suis pas collé derrière, mais genre, je suis à un mètre derrière en faisant... Non, non, non. Chargez-lui la gueule. Voilà. Bon, ouais, je... Après être servi, je prends une petite lampée, hein, bien évidemment. Écoute, c'est bon. Ça, c'est un peu... Ça a l'air... C'est bon, t'en connais pas, ce truc-là. Est-ce que je sens de l'alcool dedans? Alors en tout cas, y a pas qu'elle a mélangé des trucs. Est-ce que c'est de l'alcool? Peut-être. Est-ce que c'est traître? Peut-être. Est-ce que ça ne se sent pas trop parce que c'est très sucré? Peut-être. Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, je prends mon verre et j'essaye d'aller voir des gars qui sont posés, en train de parler, discuter, qui seraient plus affairés à parler entre eux plutôt qu'à regarder les personnes en train de danser et tout ça. Donc, j'essaie de... essayer un peu de me regarder sur des personnes qui pourraient être des potentiellement intéressées par nos marchandises. Ok. Eh bien, écoute, je t'inviterai, si tu le souhaites, ou à faire un test d'illégalité. Ou bien, si tu n'as pas envie de faire un test d'illégalité, tu de m'expliquer plus précisément comment tu abordes ces personnes, ce que tu leur dis, ou un peu des deux. Non, je vais faire un test d'illégalité parce que je le sens que je vais faire une bourde sinon. Voilà. Ah, super. Eh bien, écoute, voilà, tu échanges un petit peu avec, avec quelques contrebandiers, quelques brigands. Bien évidemment, tu vas préférentiellement te mêler et trinquer avec des personnes qui évoquent la route des contrebandiers, donc c'est-à-dire notamment le chemin entre Bazar et Exalia. Bazar, hein, grosse planète de marché noir. Hein. Énormissime, c'est les deux grosses plus zones de marché noir, c'est Exalia, bien évidemment, grosse plaque tournante, et Bazar, où tu as aussi une grande partie de criminalité dans les Barents, que si vous regardez sur la carte, on est hors limite des frontières de l'OCG. Et Bazar, notamment, est très connu dans cette route-là, parce qu'il y a tout ce qui concerne deux denrées excessivement recherchées et excessivement interdites, qui sont la drogue et les esclaves. Chose visiblement qu'on vend aussi sur Exalia, en tout cas sur Exalia, en tout cas au Triple Twister, parce que les gens avec qui tu as échangé quelque temps, même s'ils te semblaient peu recommandables, ce sont pour les deux des contrebandiers et des personnes qui font du trafic de drogue, principalement. Vu que tu as dit que tu avais des minerais, voilà, donc des matières brutes. Ils t'ont tout simplement indiqué une zone, une des lounges du Triple Twister, et de t'adresser à un mutant dénommé Calgeros. Ok. Ouais, et ils t'ont conseillé d'y aller avec. Peut-être pour. De penser à prévoir quelques crédits d'avance pour être écouté. Quelques crédits d'avance pour être écouté. Je mets un crédit, moi, malheureusement. Ok, très bien. Bah, je vais transmettre l'info à mon capitaine, quoi. Puis voilà. Ouais, Nev... ça marche. Hein, bah. Ouais. Nev, Belette et Bart, pendant que Harold, ça lui a pris quand même une bonne heure hein, pour récupérer ses infos, aller sur quelques tables, échanger, arriver à se faire accepter dans quelques cercles et parler. Donc ça va prendre une bonne heure pour le faire tranquillement. Qu'est-ce que vous faites pendant cette heure-là? Alors perso, moi j'arrive à côté de Nev. Je fais la bonne... c'est le bras là qui se pose sur son épaule en l'insérant. Enfin, ma petite Nev, nous, on va s'occuper de la bouteille. Et donc, je la ramène, je la serre assez fort, franchement, à côté de moi. On s'assoit à côté du bar pour demander une bouteille de rhum. Et après, bah, je l'emmène genre dans la salle avec une table libre. Je me doute que le capitaine, lui, de toute façon, il l'a dit dès le départ, qu'il voulait rester sobre pour négocier au mieux avec Harold. Donc... Je dis capitaine, bon, j'ai bien compris que ce soir vous bossiez. Moi, on va discuter avec la petite Neve. Et donc je la récupère et on va boire un verre. Très bien. Bon, moi, je suis posé à la table avec eux hein, en attendant que Harold trouve un contact. Hein. Je vais simplement me sortir un cigare hein, et profiter de l'instant pour me relaxer. Ok, bah écoute, il y a de quoi faire, puisque entre les danseurs et danseuses exotiques, au corps tous plus sexy les uns que les autres, peu importe ce qui vous plaît, tout est là à disposition, les alcools, les personnes avec qui échanger, parler, si tu le souhaites, venant de tous horizons, et c'est sans compter la vue à la fois sur la station et l'espace, et bien évidemment quelques écrans de retransmission géants, qui propose au choix un grand panel de divertissement typiquement OCG. Donc tu vas avoir effectivement des épisodes des espèces de séries réalité capturées d'assauts de pirates, etc. Notamment quelques reportages avec ou sur Stella Belle. Bien évidemment, c'est des gars qui viennent caméra à l'épaule pour dire regardez comment ça se passe, etc. Donc au bout d'un moment, leur caméra se fait bien, bien dézinguer la tronche. Tu vas avoir sinon tout un tas de jeux plus ou moins débiles avec des latéralités qu'on peut manger et pire. Tu as droit aussi aux chasses aux monstres sur Traxia, donc qui fait partie des. Les gens aiment bien se payer ce genre de billets voilà, pour se payer des sensations fortes. Donc il y a d'énormes monstres qui peuvent être affrontés. Là, c'est une chasse sur des tigrons. Donc comme leur nom l'indique, ce ne sont pas des petits tigres, bien au contraire. Et pour finir, tu vas avoir tout un tas d'écrans qui font des retransmissions effectivement pareil, de personnes qui sont filmées, accompagnées pendant leurs vacances sur Dust. L'idée, c'est tout simplement de s'amuser à la guerre. Voilà. Donc il y en a, ils sont sur le champ de bataille. Il y en a, ils sont sur des champs de bataille spatiaux. Et tu en as certains qui ont des tickets où c'est de la simulation. Donc ils jouent à la guerre grandeur réelle. Il y en a d'autres où ils ont des tickets où ils jouent vraiment à la guerre. Donc, parfois, tu as des touristes qui se font flinguer ou qui se font exploser sur une mine, qui se font tronçonner la gueule. Voilà. Voilà le genre de divertissement. Voilà. Et dans un coin, tu as un peu le coin PMU. C'est un peu méchant de dire ça. Non, tu as le coin avec tous les paris. Donc, tout ce que tu peux imaginer est pire en termes de ce qui peut exister comme paris, que ce soit des courses de vaisseaux officielles, clandestines, des combats d'animaux, des jeux de cartes, tout ce que tu peux imaginer comme type de pari. Voilà. Donc tu peux t'amuser comme tu le souhaites, Bart. Bah, voyant que mon équipage est occupé, je vais m'orienter vers les tables de jeu. Parce que j'adore le jeu. Et je vais m'installer une table de, je sais pas, genre Poker Galactique ou une connerie comme ça. Super. Que je peux me joindre à vous? Ah, un nouveau joueur. Regardez. Et puis un qui a l'air d'en avoir dans le pantalon. Alors, t'as des crédits, l'ami? Évidemment. Allez, bah écoute. Bienvenue à la table. Justement, il nous manquait un joueur. Tu vas Ah, t'installer. Tu vas pouvoir jouer tranquillement, passer un bon temps. Donc idéalement, ce que je vais te demander, c'est faire. Tu feras un test de jeu, bien évidemment. On va voir si tu es gagnant ou perdant. Je vais faire un test moyen. Hop, sur ça en comparaison. Donc, voilà. j'ai fait 5 succès. Bah écoute, tu as gagné sur l'heure à attendre, tu as gagné l'équivalent de 200 crédits. Cool. Voilà, Je c'est vais focusser notre affaire. voilà. Des petites mises de départ. De toute façon, il est encore relativement tôt pour que les gros joueurs s'y mettent aussi. Après, l'idée, en tout cas, c'est juste d'attendre que Harold revienne vers moi. Hein, Voilà. Eh donc bien, voilà. écoutez, Je... Neve et Belette. Dites-moi, est-ce que vous allez boire en plus qu'outre mesure? Comment ça se passe pour Ah ben moi je lui fais clairement son éducation alcoolique en gros, si on peut dire ça comme ça. Je lui apprends à savoir tenir l'alcool. Donc je dis allez mais c'est bon, fais pas ta là, vas-y hop. Et donc j'essaie de la faire boire pour vous, enfin, pour que. Parce que je suis Bolette et que moi je picole, alors il faut qu'un pirate s'il sache picoler. Voilà. Un pirate qui sait pas picoler, c'est pas un bon pirate. Je suis désolé, c'est comme ça. Voilà. Et puis on sait jamais, un jour elle sera peut-être confrontée à un jeu d'alcool dans une situation dramatique. Parce que si elle n'y arrive pas. Ça pourrait signer son arrêt de mort. Donc il faut que je l'entraîne. Donc voilà, on passe du temps. Et puis bon, après, je sais pas comment elle gère les verres qu'elle enquille, quoi. Ben Eve, on t'écoute. Alors, bah, j'ai pas trop le choix. Hein, quand Belette t'entraîne, tu suis. Par contre, j'aurais quand même voulu voir si le capitaine Fury était encore. dans le bar. Parce que bon, même si je suis pas attiré par elle, en fait, j'étais quand même impressionné de voir une femme capitaine et tout. Et si j'avais pu discuter avec elle de la vie de pirate pour une femme et ce genre de choses comme ça. Donc je vais, en même temps que je vais boire les verres de Belette, je vais regarder si je l'aperçois pas pour pouvoir lui parler. Parce qu'on n'était pas partis en si mauvais termes que ça. On avait fait un match. Bon, voilà. Donc je... Elle n'est pas là. Vous ne voyez pas de membre de son équipage. Par contre, d'observation, forcément dans le lot, c'est la parité. Hein. Il y a 50% de personnages masculins et de personnages aux organes génitaux féminins, donc 50% d'hommes et de femmes, on va dire. Donc, il y en a forcément à l'intérieur des personnages féminins qui sont capitaines ou avec des postes à haute responsabilité, puisque, encore une fois, vous le savez, dans l'univers de Mélodie à l'aventure, c'est, en ce qui concerne ces sujets, homme ou femme, c'est une parité absolue. Donc, du coup, je vais demander à Belette s'il peut pas inviter lui, il a l'habitude de reconnaître les capitaines et tout, si une femme ou deux capitaines pour pouvoir boire un verre avec et discuter, s'il veut bien. Plus il y en a, mieux c'est. Hein. Genre, ça fait toujours plaisir de boire un verre avec des gens. Surtout s'ils savent boire. Donc oui, après, il n'y a pas de souci. Hein. Elle me dit qui, et puis surtout que là, j'ai un peu bu, donc je suis un peu plus jovial. Donc oui, je peux aller... Voilà, bah, et voilà, c'est histoire de faire des contacts, de discuter, et de pas de voir si on peut arriver à avoir des gens intéressants en passant, quoi. Bah écoutez, pour répondre à cette question, je vais tout simplement vous laisser la plus grande des libertés, puisqu'on peut trouver à peu près tout et n'importe qui. Alors, voilà. Donc, si vous avez envie d'avoir rencontré des gens, je sais pas, des pirates, des contrebandiers, des pillards, des commerçants libres ou sous contrat, peu importe, des explorateurs, exploratrices. Vous avez trouvé qui vous avez envie de trouver, du moment qu'il n'y a pas de choses particulièrement trop extravagantes ou exceptionnelles. Mais voilà, il y a vraiment tout un tas de personnes. Bah après, d'accord, oui, qu'on va aller vers ce que tu veux, toi. Enfin, c'est plus toi qui va amener. Oui, bah après, c'est des pirates, des capitaines pirates, discuter, bah, peut-être prendre des contacts, parce que bon. Et puis, ça, au début, hein, parce qu'au bout de quelques verres, je crois que Nev va avoir des soucis quand même. Entre tousser et je ne sais pas si elle va réussir à supporter l'entraînement intensif de Belette, mais. Non, mais. Mais voilà. Quoi. Après, j'imagine bien que, bon, ayant l'habitude de ce genre de choses, je regarde un petit peu en fonction de ce que tu m'as donné, un peu comme. Ce que tu m'as demandé finalement, et naturellement je vais nous diriger vers une table où il y aurait peut-être une femme un peu avec un poste qui ressemblerait un peu à ce que tu cherches, et m'asseoir vraiment sans trop de gêne à leur table en disant bonsoir, alors ça, comment ça se passe la soirée pour vous, j'espère que vous allez bien, hein. Bah écoute, tu rentres en contact avec, effectivement, il y a un groupe de pirates et dont la capitaine est une femme. Elle est humaine ou elle est mutante ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? Bah, je sais pas, tu veux qu'elle soit humaine ou mutante ? Dis-moi tout, Nev. humaine, ça sera plus facile pour moi de m'identifier ou de... Parce que ouais. Mutante, c'est vraiment spécifique, quoi. Allez. C'est vraiment, vous voyez, dans l'optique de... de savoir c'est quoi la vie de pirate pour une femme et comment, parce que bon, j'ai suivi, je veux suivre, je veux retrouver une famille et tout, mais je veux savoir un peu comment je m'engage vraiment ou comment ça va se passer, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Du coup je prends un verre, un extra verre qu'on avait, je sers un verre de rhum, je tends le verre à la femme en disant ouais, écoute, on a cette petite nouvelle là qui découvre la vie de la vraie vie. J'essaie de la former un petit peu, Mais bon, j'ai quand même l'impression qu'elle a besoin de s'identifier. Écoute, explique-lui un peu ce que c'est la vie de pirate, finalement. Qu'elle sache un petit peu où elle s'en va et toute l'aventure et les choses géniales qu'elle va pouvoir rencontrer. Et je lui donne le verre en même temps. Très bien. Comment vous voulez l'appeler? Comment tu veux l'appeler, Ned? Allez! Comment je vais l'appeler? Super! Merci! je vais l'appeler CC. Allez, comment t'écris ça? S-E-S-E. S-E-S-E. Allez, avec un apostrophe entre les deux. Voilà. Allez, très bien. Eh ben écoute, tu as une capitaine pirate qui va correspondre à effectivement plutôt des idées d'aventure d'inconnu, qui va te parler de camaraderie, et qui va te parler de difficultés avec l'inconnu, le fait de gérer l'équipage, de s'engager avec des gens, de les voir certains mourir, de devoir les remplacer pour faire tenir l'équipage, etc. Donc voilà, va te parler de la vie de pirate, vous allez échanger. Et hop, donc je note ça, si tu le souhaites, de fait, avec épaisse, avec TPEX, tu pourras débloquer un contact. Et tu pourras après, je te filerai quelques indications pour la préciser un peu ce PNJ, et comme ça fera un personnage de plus dans votre catalogue. Parfait. Mais du coup, c'est noté. Allez, merci, super ici. Voilà, s'il y a des spécificités après que tu veux lui rajouter. Des petites choses, des petites compétences, je sais pas, des choses qu'elle aime faire ou ses domaines d'activité particuliers, bah, tu n'hésiteras pas à y réfléchir, tu nous le diras et puis voilà. Ça marche, merci beaucoup. Naissance d'un nouvel équipage. Merci, Valette. Donc vous allez passer un temps à faire ça et alors que vous êtes en train de discuter, vous êtes bien en train de discuter, bah, Bart, tu as Harold qui revient vers toi pour te partager ses informations. Voilà, capitaine. Je ne vais plus apprendre. Ok. Bon, bah, je vais quitter ma table de jeu en remerciant mes compagnons de jeu. Et je te suis, Harold. Eh bien, vous vous dirigez vers une loge plus éloignée. Donc, vous voyez que, visiblement, Belette et Nev sont affairés à faire connaissance, à échanger, à grand éclat de rire et à... en trinquant à une table avec ce qui ressemble apparemment à des pirates vu le côté bariolé de certains de leurs vêtements. Et vous allez effectivement aller dans une zone qui est tout aussi stroboscopée, mais un peu plus calme. Et vous avez droit à deux énormes mutants complètement gigantesques. Ils doivent faire... plus de 2 mètres de haut facile chacun. Il y en a un qui a une espèce d'un épiderme qui a l'air tout à fait totalement rocailleux comme de la pierre. Et le deuxième, il est lui aussi des espèces de. Il a pas une peau de pierre, il a tout simplement deux têtes. Et l'un comme l'autre, ils sont très très musclés, ils ont l'air très physiques. C'est d'ailleurs assez étonnant de savoir qu'ils arrivent à porter les costumes qu'ils ont, mais comme c'est des mutants, vous savez bien, dès qu'on est mutant, on doit tout se faire sur mesure pour que ça tienne. Donc voilà, donc ils sont bien costauds, bien peu engageants, ils ont des airs bien patibulaires, et ils vous bloquent l'accès à la loge, visiblement, derrière laquelle se trouve le fameux ou la fameuse Calgeros, qui a un rideau qui a été tiré tout simplement. Et ils vous regardent, alors ostensiblement vous voyez qu'ils ont l'un comme l'autre des holsters ou au niveau de la hanche ou sous la veste, et vous voyez effectivement des gros pistolets semi-automatiques à l'intérieur, sans compter très certainement un couteau de combat ou un truc comme ça quoi. Donc ils vous regardent en vous dévisageant un petit peu. Ouais. Je prends la parole. Nous venons voir votre boss en réalité. Nous avons une affaire juteuse à lui proposer. Je pense que ça pourrait l'intéresser. Ouais. Et en quoi est-ce que ça me concerne, Trouduc? Il n'y a que des jutes pour lui, des jutes pour vous. Peut-être. C'est compliqué de laisser passer cette affaire sous le nez de votre boss. Enfin, sauf si vous préférez qu'on aille voir les autres. Mais si vous signez pas, ce sera pas juste pour moi. Bah, on glissera un petit mot à votre chef de votre part. Disons que vous avez facilité la rencontre. Non, non. Je crois que t'as pas compris, gamin. Allez, aboule les crédits si tu veux rentrer voir le boss. Et il ouvre une de ses mains, visiblement en attendant que tu y déposes les crédits. Tu poses un crédit dans la main. Hein. Voilà, ce sera amplement suffisant. Un crédit. Il y a l'autre à côté avec ses deux. Il y a les deux têtes de l'autre à côté qui commencent à le siffler. Oulala. Et je crois que tu lui as tapé dans l'œil. T'as vu le petit, il veut sortir avec toi. Ouais. L'autre te regarde avec sa gueule de caillou. Et visiblement, il a pas l'air de trop apprécier la blague. Non, je balance que un gros montant de crédit pour ceux qui dansent. Hein. Désolé. Oh putain! Alors, je vais te demander de faire. Je sais pas, tu préfères faire un test. Je sais pas, de. Alors, intimidation, c'est pas tellement de l'intimidation. Tu veux faire un test de baratin, d'éloquence, de quelque chose pour essayer de le convaincre de tes paroles? Ouais, baratin, let's go. Il s'en fout. Voilà, des succès, c'est très bien. Alors, il fait son petit test de détermination. Aïe. Mince. Aïe, les trois succès. Allez, je t'invite à faire un... Harold, je t'invite à faire un test de mêlée. Test de mêlée. Ouais. Ok. Oula. Hop là. Aïe. Un succès. Bon, ça va, merde, il y en a beaucoup. Ben écoute, quand tu lui dis, quand tu finis ta phrase, il y a que ceux qui dansent, il y a que pour ceux qui dansent que je donne plus de crédit. Tu vois qu'il ferme son poing sur le crédit qu'il avait, il te regarde et il fait, alors c'est bien, parce que tu vas danser. Et il te décoche une droite dans le menton. tu fais 2 mètres en arrière et visiblement bah, il se dirige vers toi pour t'en mettre une deuxième. Donc t'as pris 2 dégâts, c'est des dégâts légers de toute façon superficiels. D'accord. Alors, je vais m'interposer quand même, hein. Je vais pas laisser tabasser mon pilote. Hein. Hein. Mais, voilà messieurs, calmons-nous. C'est sûr que nous sommes partis sur de mauvaises bases et je suis sûr que nous sommes en mesure de trouver un arrangement qui permettrait que chacun puisse. Alors, c'est un peu long, tu vois ce que je te raconte. Donc, tu veux faire un test sous quoi? Et puisque ça a été beaucoup trop lent, ça sera TD. Donc, ce sera trop difficile pour empêcher qu'il en remette une deuxième. Hein. Voilà. Là, j'imagine que c'était plutôt de l'éloquence. Hein. Ouais, j'imagine. Donc éloquence, très difficile. Donc il n'y a que les 6 qui comptent. Super, tu fais un succès. Ouais. C'est bien. Écoute, comme tout à l'heure, lui ça bouge pas. Attends, bouge pas mon historique. Hop, excusez-moi. C'est celui-là, c'est ça. Hop. Eh bien écoute, visiblement, ton éloquence n'a pas eu excessivement d'effet sur le fait qu'il avait envie d'en coller une deuxième à Harold. Harold, il va falloir une nouvelle fois tester ta mêlée. Ouais. Est-ce que je peux essayer de... d'esquiver, je ne sais pas. Ah, c'est un test de mêlée. Bah, c'est mêlée, hein. C'est mêlée. Ouais, non. Eh bien, écoute, ça lui suffit. Ça lui suffit, ça fait 3, ça fait 4. Donc, tu prends 4 indemnes supplémentaires, donc tu arrives au premier de léger. Bah écoute, il te met un bon crochet dans l'estomac qui te colle à genoux en bavant un peu sur le sol. Il se tient bien au-dessus de toi, il fait « Alors, est-ce que ça te suffit comme danse pour lâcher des crédits ou t'en veux encore ?» Si tu veux, Bart, faire quelque chose, tu peux. Hein. T'as l'autre avec ses deux têtes qui a été en train de se marrer. Il y a une de ses têtes qui se marre pendant que l'autre est en train d'échanger à la deuxième tête qui est en train de rigoler si elle veut faire des paris pour savoir si le petit Gus qui lui a filé un crédit va se retrouver sur une table à faire du striptease. Donc, vous voulez pas de la centaine de crédits que j'ai dans la main, j'imagine, pour arrêter ce que vous êtes en train de faire. Ah, ben voilà. Il te met une petite tape sur le haut de la tête, Harold. Et ben voilà, il tend la main pour attraper les crédits de Bart. Voilà, enfin, un papa sage qui prend soin de ses enfants. Allez, vous voyez, c'était pas trop compliqué. Heureusement que j'ai gagné au jeu, hein. Ouais, c'est ça. Il embarque ses 100 crédits et derrière, deux têtes vous écartent le rideau. Et vous pouvez y voir effectivement un mutant. Un mutant de l'autre côté qui est à une table en train de siroter un verre. Un mutant qui a des traits un peu simiesques et qui dispose lui aussi de 4 bras. Hop. Et vous êtes invité à vous asseoir. Ce soir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Tout à fait. À qui ai-je l'honneur? Capitaine Barcelonoir. Des pirates, c'est cela? C'est cela, oui. Ah, merveilleux, j'adore les pirates. Et nous sommes là pour... Oui. Oui, oui, nous sommes là pour une petite affaire, en fait. Voilà. Nous avons eu l'occasion, lors d'un voyage, de... mettre la main sur un conteneur de cristaux. Mmh. Et nous chercherions quelqu'un susceptible de nous en débarrasser. Un conteneur de cristaux. Quel type de cristaux est-ce que vous avez acquéri? C'est des trucs pour le carburant, je crois. Ouais. J'ai pas accès à mes notes. Hein, donc, Ouais. D'un coup, tu lui décris un petit peu les cristaux, surtout tu parles de la provenance. Ah. Oui. Je vois, je vois. Oui. Intéressant, écoute. Bon, j'imagine que nous faisons ça en toute amitié. Évidemment, hein, c'est pour ça que nous sommes là. Hein. Évidemment. Combien d'unités cargo en avez-vous? Je crois que on a fait une unité, hein. On a un conteneur, donc je sais pas, c'est... conteneur, ça correspond à combien Ah, c'est donc si ton conteneur est plein en termes de tonnage, ça dépend, on va dire une tonne, là. Équivalent d'une tonne à peu près. Ouais, ouais, bah une tonne, hein, donc je sais pas combien ça fait en unité cargo. Ouais, c'est une unité cargo, t'as un conteneur qui est plein. Bah voilà. Ok, bah une unité cargo. Une unité cargo, bon. Eh ben écoute. On va faire ça selon les règles classiques, puisque nous ne nous connaissons pas encore. Mais avant de te proposer un prix de départ, est-ce que tu vas revenir régulièrement avec peut-être des volumes plus importants? J'en doute. C'est pas forcément. Là, c'était, je dirais, plutôt un coup de chance qui nous a mis sur la route de Scargo. Et voilà. C'est pas forcément notre fonds de commerce de base. Oui, d'accord, je vois. Donc c'est juste un coup de chance comme ça, histoire de récupérer quelques crédits bonus. Évidemment, voilà. Soyons, bien... mettons carte sur table. Eh bien, écoute, Déjà, ce type de marchandise en l'état est complètement inutilisable, si ce n'est pour faire de la décoration. Et je n'ai strictement que faire d'une telle décoration, surtout chez moi. Il va bien évidemment falloir que je fasse raffiner ces métaux pour arriver à en tirer quelque chose que je vais pouvoir vendre en le mélangeant avec d'autres substrats. Je vais faire ça par mes chimistes. Bien évidemment, ça a un coût. Hein, je ne t'apprends rien, mais pour avoir peut-être un produit qui puisse passer quelques règles de qualité à travers le système et jusqu'à bazar. Bon, allez, puisque c'est la première fois et que j'imagine que nous serons peut-être amenés à nous revoir, je vais te faire le prix classique, 500 crédits pour ton unité cargo. Absolument pas encore ça vaut ce truc. Plus sur la festinée ou pas. Bon, après, généralement, c'est... Mais après, voilà, je pense que c'est correct hein, comme prix, en tout cas pour un marché en USD. Oui, c'est que c'est correct de tes souvenirs quand c'est des trucs comme ça te semble le prix classique. Je pense que je vais simplement accepter parce que j'ai pas envie de me casser la tête ou autre. Voilà. Je vais accepter son prix. Bien, bien, bien. Super. Vu la tête que tire ton jeune camarade, j'étais toujours en train de faire un peu la grimace à Harold, j'imagine que vous avez fait connaissance avec Stone et Dwell. Choisissez celui que vous voulez et amenez-le à l'entrepôt où vous avez votre cargo afin qu'il s'occupe de faire la récupération. Une fois que ce sera fait, eh ben, il pourra revenir ici et je pourrai vous donner vos 500 crédits. D'ailleurs, Ok, ça Todd, marche. il n'attend même pas pour te montrer qu'il les a. Hein. Il sort en fait sous le fauteuil, là, sous l'espèce de banquette, il y a un petit coffret. Et à l'intérieur, il ouvre, tu vois qu'il y a des pierres précieuses, il y a plein de pièces de 500 crédits, etc. Donc, ouais, 500 crédits, il les a largement. Donc il pose Ouais. deux. Je vais tourner quelques pièces dans lui. Voilà, elles resteront là tranquillement. En attendant, messieurs, je vous souhaite un bon séjour au Triple Twister. De toute façon, nous serons amenés à nous revoir au retour de mon homme. Et si jamais, le temps que le transfert se fasse, j'ai été amené à partir, n'hésitez pas à passer à mon comptoir sur Bazar, si je ne suis pas ici même. Ok, ça marche. Allez, il te Bah, tend une de ses quatre mains. on va faire la main. Tu lui serres les pattes. Et messieurs, voilà, quelques heures après, hein, c'est l'espace d'une grosse heure, hein, avec Oshua ou Stone, bon, vous comprenez bien avec ses pots de pierre, ou Duel avec ses deux têtes, qui va vous accompagner avec quelques hommes, un véhicule de transport, un Atmo, pour récupérer l'unité cargo. Voilà, donc peu importe, ou Harold ou Bart, quelqu'un va, peu importe qui va avec lui, mais ce sera fait assez rapidement, ça prend une heure en tout et pour tout pour faire l'aller-retour, extraire et revenir au Triple Twister, et une heure après, vous aurez vos 500 crédits. Ok, bon, je pense qu'on va faire ça à deux avec Harold, hein. On fait, voilà. Allez, ah bah écoutez, vous vous retrouvez quelques heures plus tard au Triple Twister. Neve, Belette, vous avez continué à faire ami-ami avec la capitaine CC et sa fine équipe. Ouais. Donc des pirates très sympathiques et qui sont dans l'esprit de la confrérie des frères de la côte qu'ils souhaiteraient rejoindre. D'accord. Voilà. Dans quel état est Neve? Bah, c'est à elle de répondre. Il y en a beaucoup bu, ou très beaucoup bu, ou très très très très très très beaucoup bu. Neve, elle a essayé de boire le moins possible en détournant, en discutant, en parlant et tout, Alors, c'est difficile avec des pirates, hein. mais avec des pirates, c'est très difficile, donc elle doit être dans un état assez, assez difficile, je pense. N'ayant aucune habitude. Peut-être que tu es en train de parler de, je sais pas, de tes grands plans de conquête de la galaxie avec des outils numériques, un point de la technologie que personne ne connaît. Voilà. Pas, voilà, comme tu veux, c'est toi qui. Bah, oui, je vais commencer à parler technique de tout. Bon, pas de mes recherches, hein, parce que j'ai encore la lucidité pour ne pas parler de mes recherches, mais de mon envie d'utiliser la technologie et d'améliorer la technologie des vaisseaux pour que les pirates soient plus actifs, plus équipés. Et puis je vais rentrer dans des explications scientifiques complètement incompréhensibles pour tous les gens qui sont en face de moi, et vais commencer à prendre ma tablette et à faire des schémas, etc. Moi je suis perdu, hein. Je picole et je rigole, mais je sais pas de quoi elle parle. Tu vois. Alors ça, visiblement, c'est pareil un peu pour tout le monde. Personne ne piche que dalle. Mais bon, tout le monde rigole bien, apparemment tout le monde se fout un peu de sa gueule dans ce qu'elle est en train de dire, donc tout le monde rigole bien. Oui, parce qu'on imagine qu'elle dit plein de choses parce qu'elle est bourrée, quoi. Alors que finalement, elle n'est pas forcément autant qu'on le pense, mais genre, ah c'est bien, ça rentre, c'est le métier qui rentre, je lui fais des tapes dans le dos, mais genre bien costaud, à lui décoller les poumons. Ouais, je tousse. C'est bien, ma petite Neve. C'est comme ça qu'on devient un vrai pirate. Vous vous retrouvez et vous retrouvez notamment la présence de vos comparses. Donc il y a Bart et Harold qui reviennent, qui vous rejoignent, j'imagine. Ah ben voilà le capitaine. Oui. Le capitaine. Alors. Bonsoir, bah je salue en fin de compte. Je vous présente Capitaine CC. Enchanté. Marche Noire. Ouais, bonjour. Enchanté de même, ravi de vous connaître, fameux Capitaine Le Noir. J'ai bien entendu parler de vous depuis les dernières heures. Et voilà, si vous voulez faire connaissance, passer une agréable soirée avec d'agréables pirates, vous pouvez. Bah ouais. Oui, hein. Est-ce que vous est-ce que vous aurez envie de vous déteindre un peu plus ou pas? Pour Barf, évidemment. Est-ce que nous on arrive à voir si Harold a des marques sur le visage dues à son altercation avec le bras droit, on peut dire, de l'autre? Bah il a... T'es en indemne, t'es à la limite du blessé léger, donc vu le temps qui s'est passé, t'es peut-être un peu rougeoyant, mais c'est pas obligé, Harold, c'est toi qui vois ce que t'en reviens. Mais en tout cas, t'as pas une grosse balade. Pour... La... Ouais, donc c'est pas physique. J'ai un peu nettoyé la face, et tout ça, déjà. Ouais. Il y a peut-être un petit endroit gonflé, mais bon, ça se voit pas forcément si, du premier abord, tu vois. Ouais, c'est ça. Je suis un peu trop bourré pour voir quoi que ce soit. Le fouille caca belette. Ah ben moi je prends du bon temps, hein. Merde, ça fait des années, enfin ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment eu de soirée picole aussi régulière, si tu veux. Il y en a eu à forcément ces derniers temps, mais là je rattrape un peu le temps perdu, hein. Le goulag, c'était dur quand même. Voilà, hein. Le pain sec et à l'eau, bof quoi. Donc je profite. Hop. Voilà. Tac, je repositionne ça. Très bien. Bah écoutez, vous passez une bonne soirée. Si Bart, tu as voulu séduire membre d'équipage, autre personne, peu importe, capitaine, parce que tu. De toute façon, avec l'alcool, la bonne humeur, on va dire, et l'envie effectivement de se changer les idées après avoir affronté les périls de l'espace et avant d'y repartir. Voilà, ça va pas être complexe, on va dire, en termes de séduction. Quand il y a plein de gens qui se séduisent mutuellement, c'est pas difficile d'y résister, quoi. Ouais. Tout se laisser aller. Donc, voilà, tu as pu passer une très bonne nuit. Si le cœur t'en dit, et il en va de même d'ailleurs pour l'ensemble de l'équipage. Puisque tout le monde autour de vous, les gens avec qui vous faites bonne entente sont très ouverts, on va dire, pour avoir plus ou moins de rapprochement physique, histoire de rendre la soirée encore plus mémorable avant de vous séparer. Et de peut-être ne plus jamais vous revoir. C'est probable. Alors, ou pas. Suite à ça, messieurs, madame, il est l'heure de rentrer sur, enfin, il est l'heure de retourner sur Port-Espérance. Si vous n'avez plus rien à faire au niveau de la station, ce sera, j'imagine, votre prochaine destination. Tout à fait. Oui. Allez, eh bien, écoutez, en avant. Donc pareil, vous allez avoir une... Hop, comme à l'aller. Alors, à l'aller, un, deux, trois. Un peu plus que ça. Alors, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est plus comme ça en termes de temporalité. Alors, on est plus réaliste par rapport au temps. Voilà. Donc, vous avez quelque chose de tout à fait similaire. Donc, vous allez... Voilà, OK. Donc, vous allez passer quasiment 15 jours dans l'espace pour revenir donc en voyage interplanétaire. Donc, pour retourner sur Aldéla, puisque avec les différentes rotations des planètes, elle n'est plus forcément située... un endroit très propice qui vous permet ou de rallonger ou de raccourcir votre temps de voyage. Vous êtes obligé de tourner un peu autour de l'étoile, autour du soleil, de l'Océrim, de quelques autres planètes pour rejoindre Aldéna. Et notamment, toute sa ceinture de débris, retrouver la station donc, de Port-Espérance. Comme il n'y a pas d'intérêt particulier, le voyage se fera relativement sans encombre. Donc vous aurez l'occasion de voir... d'avoir quelques rencontres, mais rien de fou. Ça va être quelques perturbations énergétiques, voilà, des flux de chaleur, ça va être des fois des espèces d'aurores boréales, voilà, quelques merveilles de l'espace aussi, ce genre de choses. Mais vous n'avez pas de soucis particuliers sur votre trajet avant de rejoindre une nouvelle fois, effectivement, donc la station de Port-Espérance, à laquelle vous accostez sans grande difficulté. Et quand vous y accostez, vous avez déjà le plaisir, peut-être des yeux, de voir un basique fraîchement repeint, ou en tout cas la coque est toute belle. Donc voilà, des couleurs assez assez intéressantes, plutôt noir, des couleurs, un mélange de noir avec des verts un petit peu des fois un peu saturé, des verts un peu clairs, des différentes teintes de vert, et visiblement avec les reflets de la lumière, le noir, il a un reflet vert très sombre, et vous avez aussi quelques pointes de jaune, et à l'arrière ont été comme ça peints des flocons de neige. C'est assez discret, et voilà. Il y en a exactement. Beau vaisseau, ça. C'est le nôtre, celui-là, capitaine. Ça a l'air d'être le nôtre. Ça a l'air. Et non. Ah, ben, le deal, on valait la peine. Hein. Ouais. La seule chose qui reste vide, en tout cas, il y a un espace qui a été gardé. Un grand espace rectangle pour y mettre, effectivement, votre... un joli Roger, votre drapeau, en tout cas votre logo. Donc il y a une zone voilà, qui est légèrement grisée pour le faire comme vous l'entendez. Ok. Le trajet m'a permis de récupérer, moi, ou pas ? Ouais, le trajet vous a largement permis de récupérer. Donc vous êtes bien... Bah écoute, faut aller visiter notre nouveau vaisseau et en même temps aller voir le patron. Enfin, le... Bah, on va aller voir le Captain French. Hein. Ouais. Ouais. Eh ben écoutez, vous retrouvez ce bon vieux Marcus. Vous retrouvez ce bon vieux Marcus qui se trouve à la cantina. Donc le Bienvenido, la cantina, toujours tenue par ce merveilleux mutant Alfonso, avec sa tête de, son étrange tête de poulpe. Alors pour ceux qui le remettent, hop. Et vous retrouvez Marcus qui est en train de savourer visiblement une boisson alcoolisée sympathique en regardant l'espace. Et il jetait quelques coups d'œil en vous voyant arriver. Il vous fait un signe de la main bien amical, comme s'il retrouvait de vieux amis. Mmh. Moi j'ai la mallette en main, hein, et je vais m'installer à sa table. Ah. Marcus, quel plaisir. Capitaine Lenoir et votre fringant équipage, toujours en un seul morceau, à ce que je vois. Eh oui. Je suis ravi de voir l'énorme mallette que vous tenez, enfin, énorme. La mallette que vous tenez en main. Et je pense que vous avez dû avoir un aperçu des menus travaux qui ont été réalisés sur votre bâtiment. Tout à fait. Hein. J'avoue que c'était fort chatoyant. Bien, n'ayant pas eu d'autres informations que les souvenirs que vous m'aviez racontés de votre évasion, j'ai pris la liberté de choisir quelques couleurs sobres et de faire rajouter quelques flocons afin de rappeler notamment votre création sur cette planète gelée qu'est Aldena. Eh ben, je loue votre science artistique. Alors, parlons affaires, si vous le voulez bien. Oui. Vous avez à prendre place. Bien évidemment, vous commandez de quoi boire. Vous avez de quoi manger aussi. Les crédits. Alors, les crédits, c'est 50-50, donc vous allez vous retrouver avec 9900 crédits en poche. Ok. C'est bon, ça. On prend tout, hein, c'est ça. Ouais. Sans compter la plus-value qu'on a fait avec les cristaux, c'est ça. Sans compter, ouais, c'est les 500 crédits, ça c'est votre truc. Ouais. Lui, c'est sur les 19800 qu'il y avait, je vous en lâche 50%. Ok. Hop, les 9900, il les passe directement à Maria et ni une ni deux, elle lui dit de regarder pour préparer une fiesta, de payer le vaisseau et de mettre le reste avec les trésors qu'ils avaient afin de payer l'équipage. Voilà. Donc, elle dit aïe aïe, Captain, et puis elle va s'occuper des comptes. Suite à ça, messieurs, il va vous proposer tout simplement déjà officiellement, il va vous dire si vous souhaitez toujours devenir pirate, et je l'espère bien car vous en avez l'allure et toutes les valeurs, en tout cas pour moi, si vous le souhaitez, je serai très heureux, je serai honoré d'être votre parrain. Ce serait un honneur pour nous. Et ben vous trinquez, buvez un bon coup et vous avez officiellement un parrain pirate. Ouais. Donc, let's go. En termes de points de règle, tout simplement, c'est que vous allez gagner gratuitement un contact. Vous n'avez pas besoin de l'acheter avec du XP. Vous allez gagner un contact, je vous dirai le niveau de contact, mais le capitaine Marcus Tench, ça devient un contact privilégié. Alors, voilà, je vous rappelle que vous pouvez faire appel en fonction des zones où ils se trouvent, etc. Quand vous avez des PNJ que vous avez transformés en contact, donc, une fois qu'ils sont nommés, une fois qu'ils ont un peu d'intérêt pour vous aussi, ça devient des alliés que vous pouvez faire intervenir, vous pouvez leur demander de l'aide, etc. Donc lui, vous gagnez forcément, hop, cette personnalité-là comme contact. On verra les détails de règles intéressants. C'est bien ça. Hors live. C'est une bonne chose. Ok. Bart, il va te transmettre les coordonnées d'Amana. Cool. Donc, il te les transmettra que à toi, bien évidemment. Donc, Les coordonnées se situent en nu 33. Alors, coordonnées, plus 33, on fait Et... planète Havana, c'est ça? Ouais, c'est pour le système Havana et il te conseillera de prendre le temps de bien te préparer parce que c'est un système mystérieux. Voilà, il n'y a pas de route spécifiquement connue, hein, donc de bien t'y préparer. Alors, les systèmes mystérieux, ça veut tout simplement dire que quand vous allez vous préparer, calculer les sauts, regarder la route, etc., ça va se faire sur des tests qui sont trop difficiles. Ce sera toujours des tests TD. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer. Il faut prendre faut mieux prendre le temps de se préparer que y Ah aller ouais. en mode. Voilà. Et lui, ce qu'il va t'inviter à faire, c'est plutôt d'utiliser notamment les stations relais de l'OCG, notamment celle qui est à la frontière de l'OCG et de l'Empire du Sol, de faire un premier arrêt ici, parce que de toute façon, y aller d'une traite, c'est peut-être pas très malin, surtout si vous avez une avarie en route, voilà, en termes de carburant, de radix. Et après, de repartir au niveau de la station OCG, pareil, qui est aux frontières. Par rapport à la carte nord-est de l'Empire de Sol, donc bien au-dessus d'Estria. Hop. Et après seulement de vous diriger vers le système Havana. Comme ça fait, vous avez le temps de recharger, de vous poser un petit peu, de vous reposer, surtout de retrouver l'air libre, façon de parler. Mais voilà, au moins ça c'est plus prudent. Et ça le fait tranquillement. Donc de faire un arrêt sur Mu23, sur Pi28, et après de partir sur Nu33. Et en arrivant, du coup, quand tu iras à la capitainerie pour faire officialiser ton équipage, à ce moment-là, surtout de bien préciser que donc Marcus Tench, le capitaine, donc Marcus Tench, avec donc, le capitaine du oui, en vert, c'est ton parrain pirate. Ok. Voyant, donc le capitaine du voyant, sur la carte de voyant, etc. Quand tu dis U, en fait c'est Epsilon, c'est ça, hein? La planète Havana, c'est vraiment en U33. Alors, U33, hop. C'est nu. U33, NU33. Nu. Ah voilà, j'avais mal compris. Nu 33, ça Alors, marche. peut-être que je peux faire un truc à 10. Et 33. Ah ouais, j'ai capté Ouais, voilà. La j'ai planète capté le show. beaucoup trop. Ouais, voilà. Et c'était Mu, ouais. Mu 23, Pi, elle est ici, là. Elle est ici, Pi, il me semble, donc j'inverse la distance. C'était Mu, ouais, ça C'est c'est Mu, ça c'est Pi. ça, Ouais, c'est hop, ça, ouais. Exact, tout à fait. là, et ensuite ça. Vers la gauche, vers la gauche. Voilà, En 33, Mu 33, c'est au milieu. C'est pas très loin du triangle d'ailleurs. ouais, tac, Voilà, et exactement. tac. Voilà. Exactement. Donc voilà, lui il vous propose ça. Vous avez un parrain. Quant à lui, bah, il vous explique qu'il va se rendre dans l'Empire de Sol parce qu'il a de vieilles affaires à régler. Ok. Voilà. Donc il sera très certainement, on va dire que c'est peut-être, c'est toujours assez drôle, mais c'est peut-être une des dernières fois. Il espère que ce ne sera pas la dernière fois que vous croisez quand même. Mais peut-être, on ne sait jamais, c'est toujours comme ça. Et en tout cas, si vous avez besoin de lui, si vous le cherchez, si vous avez besoin de son conseil, lui, il vous invite à vous diriger sur Sol Prime. Voilà. Et de le Ok. chercher sur Sol Prime. Il sait que vous êtes assez malin et que vous avez les ressources suffisantes pour, avec ces simples informations, arriver à être dirigé pour le retrouver. Donc il faut le chercher, vous le cherchez, il faut aller sur Sol Prime. Ok, ça marche. Voilà. Voilà. Que souhaitez-vous faire d'autre au Bienvenido? Il va vous donner. Alors, il a fait installer. Je ne sais pas s'il y en avait, mais sinon vous en avez gagné un. C'est mieux que rien. C'est pas ouf. Vous avez un sas de sécurité pour l'entrée à votre basique. Donc, C'est juste qu'il faut le forcer un peu plus durement pour rentrer dessus. Alors, c'est pas un truc de fou, mais c'est mieux que rien. Voilà. Ok. Voilà. Enfin, moi, je pense que... Bah, il va falloir qu'on lui trouve un nom, notre vaisseau. Eh ben oui. Hein ? Faire une fiesta, il faut baptiser. C'est ça, ah c'est ouais, enfin, baptiser, hein ? J'imagine le baptiser au Rhum. Ah, évidemment. Hein ? Vous avez une... Je vous fais don... Je vous fais don d'une bouteille de Rhum d'Havana. Ah bah ça permettra de baptiser. Oh putain. Alors, hein, c'est quoi il y a... Est-ce que c'est comme où il faut aller claquer la bouteille en fin de compte contre le vaisseau quand oui. Il part, est-ce que c'est le genre de tradition? Ok, ça marche. Donc ouais. Elle est pas pour moi celle-là, belette. Ah la tristesse, tu sais, je suis un peu déçu. Je suis un peu bon ouais. Ouais, mais bon, il y a eu un vaisseau, ça vaut tout. Je sais. Je comprends tout à fait en même temps. Alors, bah, j'attends vos suggestions pour un nom de vaisseau. Là, a priori, il y a des flocons dessus, donc on pourrait utiliser ça. Vous aviez parlé, je sais pas si ça tient toujours, mais à un moment donné vous aviez parlé du Dragonfly. Donc, Il y a eu ça, c'est vrai qu'il y a eu le Dragonfly ouais. À un moment donné. Oui. C'est vrai, Dragonfly, c'est vrai. C'était pas mal. Moi je croyais que Dragonfly c'était pas mal, ouais, en vrai. Bon, on peut rester sur un Dragonfly, hein. Non. Oui. Bah, je réfléchis. Hein. Écoutez, vous avez le temps de la réflexion. Vous avez le temps de la réflexion. Le temps de choisir, de réfléchir un petit peu à ce que vous faites. Vous allez avoir la soirée de toute façon. Vous allez pouvoir pour les plus curieux, je dirais, ceux qui ne tiennent pas en place. Peut-être Harold qui veut déjà se mettre au niveau du poste de pilotage ou quoi. Vous allez avoir l'occasion, vous avez tout d'aller revisiter votre bâtiment. Donc bien évidemment, il a été entièrement réparé. Donc tous les systèmes sont nickels. Comme lui, vous avez un petit sas avec une petite sécurité supplémentaire. Donc c'est juste un petit peu plus difficile de le forcer. Voilà. Et après voilà, c'est juste qu'il est propre. Il a été briqué bien comme il faut. Et il a une jolie peinture extérieure. Et il y a quelques éléments qui ont été transformés. C'est-à-dire, il y a quelques finitions pirates qui ont été mises. C'est-à-dire qu'au niveau du poste de pilotage, etc., il y a quelques manches qui étaient en plastique ou en acier, en métaux, qui ont été transformées par des manches en bois, un peu de boiserie. Alors c'est vraiment très très léger. Hein, parce que c'était deux, trois petits trucs avec les moyens du bord. Et il n'a pas foutu non plus des sous à l'intérieur. Il ne faut pas non plus abuser. Il n'a pas triplé la valeur du truc. Mais ça reste beaucoup mieux que... Un basique de base, c'est plus du tout un basique classique, maintenant c'est vraiment un basique pirate, façon pirate. Pendant la soirée, vous pouvez aussi profiter encore du bienvenido de différentes manières, si vous voulez vous balader, parler avec les uns les autres, écouter ce qui se dit pendant que vous faites la fête. Donc, comment est-ce que vous occupez votre soirée, puisque vous allez en même temps échanger aussi sur. Le peut-être le futur nom du vaisseau, de l'équipage, etc. On pourrait. Est-ce qu'aller sur Havana, c'est précipité, toi ou est-ce que. Je m'interroge personnellement, ouais, peut-être que j'en parle un peu, en tout cas, au plus proche que j'ai au niveau de mon équipage. Ouais, savoir si on ne ferait pas autre chose avant d'y aller. Est-ce qu'on le mérite? C'est ça, voilà. Il n'y a rien qui nous après, oblige là, pas... en l'état, à y aller tout de suite. Hein. On pourrait tout à fait... Ouais, mais il n'y a rien qui nous oblige à ne pas y aller tout de suite, non plus. Oui, c'est vrai. Et on irait pour faire quoi? Est-ce que il y aurait des contrats, des trucs, des choses à... les choses à faire, enfin, qui peut nous rapporter de l'oseille. Il y a toujours des choses à faire à Havana. Ouais. Voilà, on pourra peut-être entendre des rumeurs, des légendes ou autres qui nous donneront justement la possibilité de partir ailleurs, de trouver justement quelques légendes à aller vérifier, quelques zones à aller explorer. Après, c'est vrai que si on va sur Havana, on pourra déjà officialiser notre équipage. Dans le sens où voilà, on pourra dire le nom du vaisseau qu'on aura avec le capitaine Bart le Noir, avec un vrai équipage. Et voilà. Et peut-être voir notre ancien capitaine. Je vais tourner vers notre navigateur. Parce que c'est quand même lui qui va être beaucoup aux commandes. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que ça te fait vibrer, en fin de compte, ce genre de choses ? Bah, je pense que le mieux, ça serait quand même qu'on soit répertorié comme étant des pirates, hein, le plus rapidement possible. Et qu'on soit officialisé, ce serait peut-être le mieux, je pense. Pour éviter tout désarroi avec d'autres pirates. Hmm ? Never, un avis là-dessus ? Oui, je pense que donc être reconnu en tant que pirate, voir Havana, parce que bon, Nev, elle est là pour le voyage, pour la découverte, et puis en plus, là, ça permettra de se familiariser avec le vaisseau, ses capacités, dans un voyage standard, enfin pas dans un combat, c'est pas en plein milieu d'un combat. Il va falloir qu'on apprenne à servir du vaisseau, à voir comment il fonctionne et à voir ses aptitudes. Donc, le voyage pour Havana, ça sera bien pour Nev. Ça lui permettra de mieux se familiariser avec le vaisseau, de voir comment il réagit, de se mettre en adéquation avec Harold pour voir comment on peut s'en servir au mieux. Et donc, un voyage entre guillemets tranquille vers Havana, ça sera que tout bénéfice pour justement avoir une meilleure cohésion en cas de souci plus tard. Donc, je suis OK là-dessus. Le voyage ne sera pas forcément tranquille. Oui, mais disons qu'il y aura... Des routes... Oui, mais ça sera pas quelque chose de... On va pas aborder, on va pas... Enfin, c'est sûr que nous n'allons pas dans l'Empire Galactique. Voilà, d'accord. Donc, je pense qu'un voyage... vers Havana, ça sera une bonne façon de roder l'équipage, le vaisseau et la cohésion avec le navigateur, la salle des machines et ce genre de choses. Bolette ? Ouais, non, franchement, oui, moi je pense qu'effectivement, il faut qu'on le fasse, quoi. Il faut qu'on le fasse. Puis c'est Havana, quoi. Puis il y a du rhum de Havana, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Entendu. Je vais préparer un petit discours pour le reste de l'équipage. Et nous officialisons Dragonfly. Allez, moi ça me va. Oui, le Dragonfly, on peut procéder à d'autres trucs. Hein. J'ai pensé au Polar Comet pour rester dans le thème de la glace et des flocons. Il y a d'autres choses qui sont faisables. Et le Dragonfly, c'est très bien. C'est l'idée première, si elle va à tout le monde, nous pouvons rester là-dessus. Oui. Ouais, le Dragonfly. Yes. Parfait. Espérons que le Dragonfly soit aussi agile qu'une vraie Dragonfly. Oh, ça, je m'en charge, t'inquiète. Ok. Vous entendez, en parlant de l'Empire Galactique, que Bart a suggéré, vous entendez dans la cantina qu'on parle effectivement des dernières progressions de l'Empire dans sa conquête de ses espaces frontaliers, notamment la partie... sud-est, hein, donc les Barents au sud-est, où ils continuent donc à à s'étendre doucement mais sûrement pour récupérer de plus en plus de terrain, ce qui va en faire prochainement, s'il continue comme ça, l'Empire avec l'espace galactique le plus important en son sein. Je te laisse ton discours, Bart. Belette, le temps que Bart prépare son discours, Belette, tu peut-être en allant taper une bouteille de plus au bar auprès d'Alfonso, Ouais. tu as observé qu'il y avait un petit panneau d'affichage avec effectivement des coms qui étaient enregistrés en affichement holographique. Et il y en a une qui a été enregistrée et tu reconnais en tout cas le nom du vaisseau puisque c'est un message qui a été enregistré par un vaisseau qui s'appelle le Steamboat Willie. Est-ce Du que coup, ta mémoire est existante ou pas? pardon? Que ta mémoire se souvient? Là, comme ça, là, je te dirais la mémoire du joueur, non. Mais la mémoire, je pense, de Boulette, oui. Faut l'alcool qu'il ingurgite, il a de la mémoire, Bah, bête. après, avec le rhum que j'ai bu, mais c'est le temps, tu sais, que ça arrive au cerveau, que ça fasse Ouais, le ouais, choc. ouais. Est-ce que Attends, ça je vais fait boire un une verre pour me mémoire? rappeler. Ah oui, mais bien sûr, évidemment. Mais ouais, moi je. Évidemment. Et du coup, bah, je Moi regarde, forcément, je suis intrigué. eh ben écoute, tu ouvres le message donc qui se déplie et qui s'affiche devant toi. T'as un joli hologramme et il y a un message, tout simplement une invitation à l'aventure qui dit tout simplement envie de percer les mystères des anciennes civilisations et de devenir assez riche pour vous payer un palace. Rendez-vous au plus grand marché de bazar. Attention, mission très dangereuse, pour trésor très important. Et c'est signé Mortimer Mouse. Oh putain, alors du coup, Le dès fameux. que le capitaine Bart reviendra, enfin, dès qu'il sera prêt, je lui dis assez rapidement ce que je viens de voir. C'est ça qui va nous ramener des crédits. Moi, de mon côté, bah, je vais réunir tout l'équipage à côté du vaisseau. Enfin, bouteille de rhum en main, rhum d'Havana en main, en fait, hein. Je vais réunir tout le monde. Alors, Mesdames, messieurs, oui, juste vas-y. précision avant que tu as le sas pour accéder au vaisseau, Ouais. puisqu'il est harnaché à la station avec au niveau du sas en fait. Donc tu as un sas au niveau de la station sur lequel tu es venu en fait. Enfin, quand vous y étiez venu avec votre basique, vous êtes venu vous coller en fait pour vous arrimer au niveau des Ouais, sas en fait, extensibles. Donc tu vas pouvoir éclater ta bouteille, mais tu vas l'éclater en fait contre la porte. Puisque c'est le seul endroit ok. extrême. Parce qu'après, le reste, il est dans l'espace. Sinon, il faut que tu Bah, enfiles un oui, scaphandre. Après, totalement, si tu veux totalement. enfiler un scaphandre et aller, toi, avec un petit com, etc., depuis l'extérieur, flotter, accrocher avec ta petite tente de sécurité pour essayer de casser la bouteille sur l'extérieur, tu peux le faire aussi. Oui, Oui, mais bon, non, avec on va la pas non-pesanteur, ça fait non plus. plus. Non, quand même pas. En plus, ce serait moins joli parce que du coup, voilà, ça casserait dans l'espace, il n'y aurait pas de bruit, ça ferait juste des bulles qui partiraient comme ça, Oh, voilà. tout ce Ah rhum gâché dans l'espace. bah, il va être gâché là, sur la porte, hein, donc ce Non, sera parce mieux. Hein. que vous ne saurez pas, mais Belette, il ira juste mettre son doigt comme ça sur Et le une paille. rhum qui sera Belette, plombé par terre. il a mis une serpillière, quelque chose, tu sais, Ah au bas de la oui, porte voilà, pour c'est ça. récupérer tout, et il va tout tordre après pour tout récupérer, toi. T'as Eh, vraiment un c'est du rhum problème avec l'âme d'Havana seule. quand Il va même. falloir qu'on en Ouais. parle. Non, je verrai. Et donc, oui, je vais réunir l'équipage. Hein, Mesdames, messieurs, il y a peu encore, nous portions d'autres uniformes. Depuis, en me suivant, vous avez acquis votre liberté. Je vous ai promis justement cette liberté, et je vous ai promis que nous deviendrons pirates. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons fièrement accueillir parmi nous le Dragonfly, notre premier vaisseau, celui qui nous transportera partout dans la galaxie, afin d'y trouver gloire, honneur et plus de crédit que vous n'en avez jamais imaginé. Et je vais claquer la bouteille de rhum sur la porte, hein, du Dragonfly. Olé ! Tout le monde se met à hurler. Olé, viva le capitaine ! Dragonfly ! Dragonfly ! Dragonfly ! Dragonfly ! Ouais, grave. Ah bien, écoute, la bouteille a éclaté, le nom a été donné. Vous pouvez dignement retourner faire la fête à la cantina avec tout le monde. Et bien, ah bah, tout l'équipage le mérite, hein, donc. Eh ben écoute, donc, quand vous y retournez, vous voyez l'ambiance qui était plutôt détendue. Il y a un attroupement. Tench aussi, hein, avec les membres de son équipage qui étaient venus avec vous pour fêter ça avec vous. Et quand vous revenez, vous voyez tout un attroupement en fait de personnes autour d'une dame qui doit avoir une trentaine d'années, qui a l'air complètement démoralisée, déprimée, elle a des traces dessus, elle a des vieux habits un peu d'ouvrier de l'OCG. Et visiblement, elle est en train de raconter un petit peu une histoire. Il y a des gens qui l'écoutent, et pendant qu'ils l'écoutent parler, il y en a certains qui rigolent un petit peu et qui se demandent ce qu'elle a pu prendre comme drogue, où est-ce qu'elle est allée chercher toutes ces conneries, etc. Et quand vous arrivez, en fait, vous approchez un petit peu l'attroupement, hop, elle finit un petit peu son truc, l'attroupement un peu se disperse, et vous entendez des gens qui la raillent un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison, allez, espèce d'halluciné, faut arrêter la drogue. Et les gens se dispersent un petit peu. Et la vie reprend tranquillement au niveau de la cantina. Moi, je vais aller m'asseoir à sa table et lui demander qu'elle me raconte une histoire. Très bien. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Oh, moi, je vais m'asseoir aussi. Une histoire, ça fait toujours plaisir d'entendre des bonnes histoires. Nev et Harold, pareil. Tu t'en fiches ? Tu vas boire un coup. Ouais. Les membres d'équipage, la plupart sont allés déjà fêter ça. Ils ont commencé à boire. Ouais, j'ai rigolé avec eux sans forcément beaucoup boire. Je les laisse parler avec la folle. Pas forcément ça qui m'intéresse. Moi je vais rejoindre le capitaine parce que. Nev, elle est toujours un peu sensible, donc les railleries et le désespoir de la dame font qu'elle va vouloir la réconforter, et donc elle va avec le capitaine et elle s'assit à la table. Très bien. Ah bah écoutez, vous avez effectivement une personne de travaux qui a l'air vraiment... dans une détresse un peu absolue, elle a l'air vraiment plus déprimée et un peu hagard, comme si elle était encore un peu choquée, dans un état second, que vraiment droguée, mais en fait, ça se ressemble. Et donc elle vous raconte une histoire, quand vous lui demandez un peu de raconter son histoire, de ce qu'elle a vu, elle a un verre avec l'agneau du coin qu'elle sirote tout doucement, et entre quelques gorgées, donc elle vous explique se décharger des marchandises, des céréales principalement, depuis l'engin, le modèle 344, et avec le treuil, le bras mécanique, le soleil commence à se coucher, on terminait de charger, et là, c'était sur cette planète des Barents, une explosion en ville. à quelques kilomètres. Elle lève un petit peu la tête, elle a l'air un peu plus excitée. Vous voyez qu'elle a les yeux bien injectés de sang, parce que ça doit faire un moment qu'elle voit que là. Je me suis rapproché avec le porteur et c'est là que j'ai tout vu. J'ai tout vu. Alors, elle en tremble tellement qu'il y a une partie de son verre qui saute sur la table. Des dizaines de créatures toutes semblables, je vous dis, comme des grosses sauterelles toutes bleues. Elles couraient partout, elles attaquaient tout le monde. Il y a même des gens qui commençaient à s'arracher le visage. Je me suis carapaté de suite. On a repris les engins pour se barrer. On a quitté la planète en toute vitesse. On était tellement effrayés qu'on a même oublié les manœuvres de sécurité. Deux matelots sont morts lors du décollage. Ah, c'était horrible. Ah. Et le capitaine, lui, comme d'autres, on l'a vu s'arracher les yeux. Comme le y avait, on n'avait pas de coordonnées, nous nous sommes arrêtés à la station la plus proche et après quelques jours terrés, voilà, tout le monde s'est séparé et les quelques-uns avec qui j'ai traversé un morceau de galaxie ont fini par partir aussi et voilà. Ça Mais... nous parle là, c'est les insectes, non? Je les ai vus. Tout ça, c'est à cause des aliens. Alors, est-ce que vous les avez vus, vous aussi? Tu vois, elle attrape le poignet de la personne la plus proche d'elle. Peut-être que si c'est toi, Neuf, c'est toi. Et elle te regarde. Vous les avez vus? Vous aussi, vous les voyez? Hein? Je regarde mon capitaine Bart et j'essaie de faire le rapprochement avec ce qu'on a vécu nous. Et est-ce que selon par rapport aux descriptions qu'elle nous en a données, est-ce que ça se rapproche de ce que nous on a de la créature qu'on a rencontrée nous? À toi de te faire ton idée. Parce que je me souviens que c'était insectoïde. Un peu insectoïde, qui en avait. Donc, t'avais la grande et t'avais les plus petites qui servaient la grande. Et là, c'est ouais, ça me fait un peu penser à ça. Et du coup, je regarde le capitaine et je lui fais un geste genre. Vous pouvez pas penser à quelque chose, ça? Ouais, le capitaine, il réfléchit beaucoup. Pardon, j'avais mon micro coupé. si, justement, ça. Je pense à la même chose que toi. On va prendre les coordonnées à cette planète. Au cas où. Elle est incapable de te dire, elle connaît pas les coordonnées. Il n'y a que le capitaine qui connaissait les coordonnées de là où elle était. C'était une planète dans les Barents, c'était une planète céréalière de toute façon. Donc, qui servait d'approvisionnement de nourriture. Elle ne sait même plus si c'était pour l'Empire de Sol ou l'OCG. Ou... Enfin, elle pense pas à l'Empire Galactique, mais elle est perchée. Après, tout ce genre de trucs, elle sera incapable de dire. Et elle restera figée en tenant comme ça ton avant-bras, Nev, en te demandant plusieurs fois si toi aussi tu les vois. Et moi, je lui dirais oui, je les vois, rassurez-vous. Est-ce que vous vous souvenez, c'était comment? Enfin, essayez d'avoir le plus de précision possible en essayant de la rassurer au maximum. Ces descriptions restent assez vagues par rapport à ce qu'elle dit. Tu n'auras pas plus de détails que ça. Ouais, elle est choquée. Enfin, elle est dans un état. Elle a perdu la boule, quoi, clairement. Ouais. Bah, vous voyez qu'elle a quelques traces de griffures au niveau du front ou quoi, et quand tu vas lui dire que toi aussi tu les vois, elle va rigoler un petit peu et à un moment elle va même se griffer alors plus ou moins violemment le haut de la tête comme si elle mimait les gens qu'elle avait vu s'arracher le visage, et après elle repartira à boire, à sangloter et à ressasser son histoire un peu dans le avec le regard dans le vide. Ce à quoi vous entendrez Tench faire un qui est resté à écouter un petit peu à côté de vous, et lui s'éloignera de la table pour rejoindre le reste des personnes qui fêtent le baptême de votre vaisseau. Capitaine, j'ai pas le souvenir par contre d'avoir Enfin, ces histoires d'arrachage de visage ou quoi. On n'avait pas eu ça, nous. Non. Mais après, il y en avait une, donc c'était pour ça. Ouais. Ouais. Mais du coup, je rebondis et j'y ai. Au fait, capitaine, vous savez le capitaine, le mutant, là, Mortimer. Mortimer Mouse, ouais. Ouais, y a un message ici sur la. Comme quoi, il enjoint tous ceux qui seraient intéressés pour partir à l'aventure et faire des crédits par. Ce qu'on a fait, quoi. Et ce serait peut-être bien qu'on aille le retrouver. C'est ouf. Pardon ? Et où ? Ah putain, j'ai plus le ce que tu m'as dit là. C'était quoi dans le message ? C'était. Y a eu ça t'a été soufflé. Ça t'a été soufflé. Pardon ? Ça t'a été soufflé. Ah, ça m'a été soufflé. Rendez-vous au plus grand marché de bazar. Ah oui, ouais. Rendez-vous. Mais au marché de bazar. Au plus grand marché de bazar, par contre. D'accord. Je serais bien d'aller voir. On va faire des crédits, tout ça. Et le prognote. Après, si on souhaite aller. Havana, c'est pas la route, hein. Ouais, non, mais d'abord on va à Havana, on fait tout ce qu'on a à faire à Havana, on pourra profiter du rhum d'Havana, et après, eh ben on pourra aller le voir. Il va vraiment falloir qu'on parle de ton problème avec l'alcool. Mais attends, c'est du rhum d'Havana. Je veux dire, c'est le meilleur rhum de la galaxie, quoi. Je suis d'accord. Voilà, bah écoute, j'ai pas l'impression que ton palais fait vraiment la différence entre tout ce que tu as ingurgité. Oh si, détrompe-toi, je suis quand même une fine, j'ai un palais très fin, je fais la différence entre du rhum de pourri et du bon rhum, mais j'ai pas eu l'occasion de boire du rhum d'Havana depuis que depuis jamais en fait. Mais si. Ils ont déjà eu l'occasion. Oui, mais bon, ça fait tellement longtemps que je m'en rappelle plus. Ah, ouais, c'est peut-être l'alcool qui joue sur ta mémoire. Ouais. Pas le cerveau. Enfin bref, voilà. Très bien. Eh bien, j'ai pris note en tout cas. J'ai noté ces informations et nous verrons. Après Havana. Soit, je vais me tourner vers Bennett et Lever. Hein. Faites la fête. Une grande route nous attend. Après ça, profitez-en. Parce que nous ne pourrons peut-être plus la faire pendant quelques temps. Après ça. Profitez-en. Amusez-vous. Ce sera fait. Capitaine. Allez, super. Ah bah écoute, vous faites la fête et il ne vous restera plus que les préparatifs du voyage avant de partir en direction d'Havana. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey.